Je serai de mon Seigneur. Je serai de sa puissance. Shalom à tous les frères. Shalom, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Shalom. Shalom. Bonjour, Christian. Ça va, frère Christian? Ça va et toi, ma soeur? Ça va bien, merci, oui. Ça, je moi, je suis au travail, donc dans quelques instants, je vais raccrocher. Ah, d'accord, ok. Shalom. Shalom, ma soeur. Oh, Saint Flora, bonjour. Bonjour les vrais sœurs. Bonjour, Saint Flora. Bonjour la France dans la sainteté, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à la Saint-Paul. Qui a du mal à contenir le bébé. Bonjour, que Dieu te bénisse. Que Dieu vraiment te bénisse. Amen. Bonjour mon frère, au boulot. Ouais, bonjour. Tu as bravé le boulot pour te joindre ce matin. Que le Seigneur te bénisse mon frère, que le Seigneur te bénisse. Bonjour. Bonjour, bonjour bébé. Bonjour, bonjour le bébé. Bonjour à la sœur Julie de Viry-Châtillon. Bonjour frère, bonjour. C'est comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Il y a la pluie ici. J'espère que vous m'entendez très bien parce qu'il pleut en averse ici à Douala. Il pleut vraiment, vraiment. Que Dieu vraiment vous bénisse. Bonjour à la sœur Kelly. Bonjour frère Julien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. On va se voir, on va parler après la réunion, non? Avant de parler avant de travailler avec ceux de l'Allemagne. Bonjour à ceux de Bordeaux. On va prendre d'abord qui? Voilà, on prend d'abord la sœur Flora. Bonjour, comment tu vas ce matin? Ça va par la grâce de Dieu. Oui, que la grâce de Dieu continue à abonder dans ta famille. Et du côté de Nafissa, bonjour. Bonjour. Voilà, donc quand tu dis bonjour, ferme directement parce que chez toi c'est tu as gâté là quoi, tu as gaspillé. Voilà. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Bonjour au frère William. Frère William, bonjour. Bonjour, bonjour. Notre rendez-vous tient toujours quand le Seigneur pourvoira. D'accord mon frère. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Voilà. Je crois que la sœur Paul, tu es en Bretagne, c'est ça? La sœur Paul, j'ai tout en Bretagne, si ma maman est bonne. Oui. Bonne journée, mon cher frère Christian. Bonne journée. Bonne journée, bonne journée, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Ne t'inquiète pas, madame va t'expliquer tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Amen. Et rendez-vous sur Bambaïba. Voilà. Bon travail. Et représente le Seigneur Jésus-Christ valablement dans ton lieu de service, comme toujours. Amen. Oui, apparemment la sœur, après la sœur Flora te parlait là. Ok. Saint-Paul, c'est en Bretagne, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Ok, Bretagne, c'est en Côte d'Amour, à Finistère, ou bien Île-de-Vilaine, ou bien à Morbihan. Finistère. À Finistère, dans le 35e, non, dans le 29e, n'est-ce pas? Ah, exactement. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. La sœur Landro. Mais Monsieur Landro n'est pas là aujourd'hui, il est en mission top secret aujourd'hui, donc on ne parle pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il y a encore qui? Je crois qu'on a salué tout le monde. Voilà. Je crois que le tout est fait. Je crois qu'on a, on attend ceux qui vont venir là pour qu'on puisse commencer, ou bien on commence de facto. On commence directement. Le frère William, on commence directement, c'est ça? Ou bien on attend les frères d'abord? Si on pourrait attendre. Oui. Ok, le temps que chacun raconte ce qu'il a raconté et poser des questions si possible alors. Voilà, donc les soeurs qui ont les enfants chez eux, c'est bien de fermer leur micro comme ça, à moins qu'ils veulent poser les questions pour que le son ne soit pas désagréable pour les autres. Voilà, je crois que c'est bon. J'ai une question. Voilà. Qui a la question là comme ça? C'est moi. La sœur Julie. Viri Châtillon. Viri Châtillon, on écoute la question. Je crois que le frère William est prêt à te répondre à toutes tes questions. Oui, frère, je pose la question comme la parole dit que quand on est dans l'assemblée, la femme n'a pas le droit de parler. Oui. Et j'ai suivi un enseignement où tu étais en train d'expliquer justement ce volet-là, mais je n'ai pas bien compris. Oui. Tu étais en train d'expliquer par rapport... parce que si la femme a peut-être le don pour prophétiser, oui, et qu'en assemblée, elle est saisie, comment ça va se passer en fait, vu qu'elle n'a pas le droit. Donc, j'ai essayé d'expliquer, mais je n'ai rien compris en fait. Elle est saisie par quoi, ma soeur? Enfin, je dis que si le Saint-Esprit a un message à délivrer et le Saint-Esprit passe par elle, oui, comment elle va faire si elle n'a pas le droit de parler en fait? Bonne question, c'est bonne question. Autre question, notons cette question-là parce qu'on va répondre à la lumière de la parole maintenant. Autre question. Quelqu'un a-t-il des questions? La France dans la sainteté, bonjour! Bonjour. Voilà, ça dit que les gens sont là. Des questions? Comment vous avez passé la semaine depuis dimanche dernier jusqu'à maintenant? Avez-vous eu des... Je crois que j'en ai mis des liens là-bas que vous devez écouter et certainement avoir des questions et des interrogations. Silence radio. Pour ma part, j'ai pu suivre une seule vidéo. Oui. Et les autres, je ne les ai pas encore suivies. Ok, mon frère. Donc, particulièrement celle qui parle de la méchanceté de notre cœur. Oui. Donc, bon. Et bon, disons que j'avais une question sur. Pardon. On patiente. Entre temps, les autres aiguisent leur cahier. Les deux sœurs de la 33e, la Bordeaux, le Gironde. C'est comment? Vous n'avez pas de questions? Elles exploitent seulement les questions, répondent des autres. Elles sont édifiées, disent waouh, la question, la seule a posé une question très intéressante. Voilà. Oui, mon frère, on attend la question. posez toutes vos questions et posez les questions avant que. Je crois que nous avions commencé un enseignement concernant la chair, l'esprit, quelque chose comme ça là. Comme ça, on continue si le Seigneur le permet, en faisant un bref retour sur ce qu'on avait vu la semaine prochaine dans la première partie, à moins que le Seigneur ne dirige autrement. Voilà. Non, c'était concernant l'hospitalité. Oui. L'hospitalité qu'on devrait avoir envers les frères. Oui, mon frère. Peut-être si c'était dans Éphésiens ou dans Romains. Romains chapitre 12, à partir du verset 8 et suivant. Oui, exactement. Bon, pratiquement au verset, bon, après l'hospitalité envers les frères, il y a au verset 14, où il est écrit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez point. D'accord. Oui. Bon, ne maudissez point, ça, c'est clair, parce que nous sommes appelés à exprimer l'amour de Christ. Mais se bénissez ceux qui nous persécutent. On sait également que même au sein des assemblées, souvent, n'est-ce pas, il y a de la persécution. Disons, ça peut être, je sais pas moi, une oppression par rapport que nous recevons des frères ou quelque chose qui soit. Bon, peut-être c'est pour nous amener également à exprimer un peu plus d'amour envers les frères et envers le corps de Christ. Mais au-delà de tout ça, bénissez ici. C'est pour les frères et les sœurs ou bien c'est pour également ceux du monde. La Bible déclare là-bas qu'on bénit ceux qui nous persécutent. Allons dans le livre de 1 Pierre. Vérifions aussi dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, que Dieu te bénisse, mon frère, pour cette question. On va revenir à Viry-Châtillon avec la question. Viry-Châtillon. Oui, 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, versets 8, 9 et 10. Chapitre 3 de 1 Pierre. Puis on va aller au chapitre 4 aussi. 1 Pierre 3. Oui. Alors. Je dis au nom de Jésus, enfin, soyez tous d'un même sentiment, compatissant, fraternel, miséricordieux, bienveillant, ne rendant point le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Oui. Bénissant, au contraire, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés, afin que vous héritiez la bénédiction. En effet, que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, garde sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Voilà. Bon, alors, mon frère, en lisant ce verset 9, ne rendez point mal pour mal ou bien injure pour injure. Normalement, est-ce qu'au milieu de l'assemblée, au milieu des frères, les frères s'insultent entre eux? Alors, ben, franchement, frère, disons, j'ai déjà assisté. Tu vois, ma petite vie à quelques petites scènes qui étaient un peu désagréables. Tendues entre les frères. Disons, pratiquement, un frère qui parle d'une certaine manière d'un autre frère. Oui. Et disons, pas, de toute façon, pas en bon terme. Oui. Pas du tout en bon terme. Et ça m'avait beaucoup déplu et bon. Aussi déçu de la part de ce frère-là. Oui. Donc, ce qui fait que ça m'avait beaucoup touché, de toute façon. Et l'autre frère qui parlait de ce frère-là, comment il a réagi à cela? Bon, disons, c'est vrai qu'il dénonçait. Oui. Il dénonçait beaucoup d'attitudes qui n'étaient pas sérieuses du frère. Oui. Mais, disons, en y rajoutant également. Oui. Bon, mais après également, peut-être après, dans des discours, il en parlait. Et donc, pratiquement, dans les discours d'après, il en parlait encore d'une manière plus approfondie. Et, bon, disons, c'était pas plaisant. Oui. Bon, ici, il y a deux personnes. il y a une autre personne qui parlait de mal ou bien d'une façon déconcertante d'un autre frère. Quelle est la réaction de ces frères dont on parlait, contre qui on parlait? C'est ça la question. Ben, sa réaction, disons particulièrement, elle était d'abord non, ce n'est pas vrai. Et puis bon, petit à petit quand même, la personne a accepté, mais pas tout à fait. Oui. Pas tout à fait, et bon, à la fin même, elle a quitté l'Assemblée après quelques temps. Oui. Bon, maintenant, ici nous voyons dans les deux passages que tu as lus, dans le livre de Romains chapitre 12 et dans ce 1 Pierre, et puis d'autres encore qu'on va en prendre plaisir au Seigneur, nous voyons effectivement que c'est l'intégration entre au moins une personne, au moins deux personnes. Parce qu'on dit ne rendez point injure pour injure. Donc il faut qu'il y ait une partie qui fasse la chose, soit le mal, soit l'injure. Oui. Mais on dit la réaction du croyant, de celui qui avait le Seigneur, ne doit pas réagir de la même façon. Parce que la question que tu as de poser, c'est est-ce que la bénédiction c'est envers les frères ou bien envers ceux du dehors? Nous voyons, c'est pour ça qu'il pose la question. Est-ce qu'en milieu chrétien, donc, il y a des injures? En milieu chrétien, est-ce que, je crois que s'il y en a, justement, comme tu en as souligné, ça fait partie de ce que nous sommes en train de voir depuis la semaine dernière, c'est la marche dans la chair par rapport à la marche de l'esprit. Je crois que nous allons essayer de voir et continuer dans ce domaine-là. Et on va toucher ce que tu en as dit. Mais maintenant, le Seigneur dit, ouvre aussi le livre de Galates, voilà, le livre de Galates, chapitre 6, par exemple. Galates chapitre 6. Et quoi que nous avions lu ça la semaine dernière. Voyons maintenant pour répondre clairement à ta question. Galates chapitre 6. Verset 7 à 10. Particulièrement le verset 10. On va y insister. Oui. Chapitre 6, verset 7 à 10. La France dans la sainteté. Il pleut vraiment ici. Hein? Vraiment. 10. Oui, le verset 7 à 10. Ok, je lis au nom de Jésus. Ne vous abusez point, on ne se joue point de Dieu, car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons point de faire le bien, car nous moissonnerons dans la saison convenable, si nous ne nous relâchons pas. C'est pourquoi, pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux qui sont de la famille de la foi. Amen. Amen. Et là, nous voyons effectivement que le Saint-Esprit fait la part des choses entre tous dont il en a de parler, et la famille de la foi, n'est-ce pas, frère? Oui. Bon, donc, ça nous voyons effectivement que le chrétien, effectivement, est le sel de la terre. Le sel n'est pas là seulement pour saler seulement le sel. La lumière, on n'allume pas la lumière. La lumière est appréciée justement dans les ténèbres. La lumière, si vous allumez la torche, là où il y a déjà une lumière vive, vous n'apprécierez pas la lumière de la torche. Mais quand vous marchez dehors dans l'obscurité, cette torche-là, la lumière, vous l'appréciez. Donc, en fait, notre amour, notre dévotion, nous devons nous unir les uns les autres. Les autres de l'extérieur doivent voir effectivement l'amour de Christ manifesté en nous. C'est même ça qui impacte même le monde le plus. Vous voyez? Et donc là, ici, le Saint-Esprit dit, ne nous lassons pas de faire le bien. On dit à tous, quand nous moissonnerons au temps convenable, mais surtout à ceux qui sont dans la famille chrétienne, dans ta version. Donc en clair, nous devons faire le bien à tout le monde, principalement à ceux des croyants. C'est pour cela que c'est une chose terrible que les croyants eux-mêmes aient des problèmes. Les croyants entre eux, c'est une chose terrible que les croyants aient des problèmes. Vous allez voir dans les épîtres de l'apôtre Paul, particulièrement dans le livre d'Éphésiens, Philippiens au chapitre 4, les trois premiers versets, il parle aux Philippiens quoi, de faire tout et tout pour que Saint-Tiche et sa sœur puissent être dans les bons sentiments. Parce que ça veut dire qu'il faut régler le problème que Saint-Tiche avec sa sœur en Christ avait au milieu chrétien. Vous voyez, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de tension. Il y a des sœurs avec d'autres sœurs qui ne parlent pas, des frères avec des frères qui ne parlent pas. Mais on sait tous le même, je suis dépassé par la vie chrétienne, c'est qu'on vit aujourd'hui. Vraiment dépassé. Mais il y a des chrétiens qui déçoivent véritablement. Mais autre chose que vous devez voir, on va voir, et c'est juste le Seigneur le permet, qu'on entre en profondeur là-dedans, c'est qu'en milieu chrétien se trouvent des faux frères. C'est ça qui est choquant, le plus choquant c'est cela. Des faux frères se trouvent au milieu de nous et qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui ne le sont pas. L'apôtre Paul en a eu des interrogations avec eux, que dehors, il y a eu des faux frères qui sont glissés parmi eux et pillé la liberté qu'on avait en Christ. Mais il dit qu'il les a résistés. Donc en fait, il y a de ces choses-là, cette gangrène-là qui arrive en milieu chrétien, et on ne peut pas faire autrement que d'avoir cela au milieu de nous, parce que le Seigneur a dit que ça doit être là au milieu de nous. Il y a des faux frères qui introduisent donc des mauvais comportements au milieu de nous, au point où quand on va voir, on va dire que voilà le comportement des chrétiens, pourtant il n'en est pas. C'est-à-dire que du côté du monde, le monde va le considérer comme un chrétien qui se comporte ainsi, alors que la foi chrétienne nous dénonce comme étant un faux frère. Vous voyez comment la saleté est mise sur le nom de notre merveilleux Seigneur Jésus. Donc ce sont ces ambiguïtés. Mais il n'en demeure pas moins que quelles qu'en soient les personnes qui nous fassent du mal, que ce soit un faux frère, que ce soit un frère, que ce soit un non-croyant, la réaction de ceux qui sont matures est identique. On ne doit pas rendre injure pour injure, mal pour mal. On doit continuer à bénir. Souvenez-vous du livre de 1 Corinthiens chapitre 5 au 6. Vous remarquez que dans 1 Corinthiens chapitre 6, par exemple, allons-y, lisons du verset 1 jusqu'au verset 9 du chapitre 6 de 1 Corinthiens. Que le Seigneur te bénisse vraiment pour cette question, frère. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 9. Chapitre 6, de 1 à 9. Oui. Alors. Quand quelqu'un d'entre vous a un différend avec un autre, ose-t-il l'appeler en jugement devant les infidèles plutôt que devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger les moindres choses? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et à plus forte raison les choses de cette vie? Si donc vous avez des procès pour les affaires de cette vie, vous ne prenez pour juge des gens qui sont méprisés de l'Église. Vous prenez pour juge des gens qui sont méprisés de l'Église. Je le dis à votre honte. N'y a-t-il donc point de sage parmi vous, pas même un seul qui puisse juger entre ses frères? Mais un frère a un procès avec un autre et cela devant les infidèles. C'est déjà un défaut parmi vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt qu'on vous fasse tort? Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt du dommage? Amen. Amen. Amen. Non, nous voyons que l'apôtre Paul est un peu plus explicite là-dedans. Il dit, il y a deux ou trois choses qu'il a dit de dénoncer. Il dit, ici se parle de façon spécifique aux croyants. Il dit que vous, lorsque vous avez des difficultés, des problèmes, c'est-à-dire que peut-être un frère ou bien une soeur peut avoir prêté de l'argent à un autre frère pour faire quelque chose et celle-ci n'est pas même pas lui remettre cela et pas lui porter plainte dans la justice humaine, c'est-à-dire devant les gendarmes, la police ou quoi que ce soit. Il dit que lorsque vous avez une différence pour les choses de ce test et de ce monde-ci, vous allez vous plaindre devant ceux dont l'Église ne fait aucun cas, c'est-à-dire devant les non-croyants. C'est-à-dire qu'un chrétien, je porte mon frère parce que peut-être il m'a pris des centaines de millions d'euros, je vais lui porter plainte devant la justice. Il dit maintenant que c'est déjà même un problème au milieu de vous que vous ayez déjà des problèmes. Ça veut dire qu'en réalité, ça ne devait pas être comme ça. Puis il ouvre une brèche quelque part. Il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Vous voyez, quelques torts. En fait, l'apôtre Paul ne voulait signifier ici que, en réalité, s'il y a deux croyants qui ont des problèmes, normalement, doit se positionner un autre croyant pour résoudre ce problème entre les deux. Vous voyez cela? C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'il a dit, est-ce qu'il n'y a pas parmi vous quelqu'un qui soit sage pour pouvoir parler entre les frères, pour pouvoir discuter et puis résoudre ces problèmes-là pour que ça ne se transporte pas chez le non-croyant. Vous imaginez par exemple, je crois que j'ai suivi une histoire, c'était la fidèle d'une assemblée qui a amené son pasteur à la gendarmerie. Parce que le pasteur de la gendarmerie avait pris l'argent de cette femme, pour il disait qu'il devait faire des business et puis je ne sais pas si le business a mal tourné ou bien l'a escroqué. Et il a envoyé rouler la femme dans le couscous. Finalement, la femme en avait ras le bol. Elle est allée porter plainte. Devant le gendarme a dit, c'est entre toi, ton pasteur, le gendarme non-croyant. C'est quand même terrible. Il a dit que non, c'est vous qui devez nous donner des solutions pour des choses. Vous venez devant nous que je fasse quoi en tant que gendarme pour vous dans ces cas-là. C'est vrai que ce sont des infractions, ce sont des choses judiciaires. Mais là, devant le gendarme, lui, il savait que ça, c'est un pasteur et son fidèle. Il dit que, il les a dit, s'il vous plaît, allez arranger cela à la meilleure. N'amenez pas cela loin parce que lorsque la justice va se saisir, ça sera compliqué pour vous. Vous voyez comment le monde parvient à régler les choses chrétiennes. Alors, l'apôtre Paul dit que ça ne doit pas être sali. On ne doit pas salir le non-chrétien comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Normalement, quand une soeur a un problème, on a des problèmes comme ça, des discussions, les frères doivent intervenir pour résoudre. Mais qu'est-ce qu'on trouve en milieu chrétien aujourd'hui? Lorsque les gens ont des problèmes, quand vous intervenez en disant que frère, tu n'étais pas bien comporté devant ta soeur la dernière fois, tu t'es mal comporté, la première réaction de cette autre chose, c'est que tu es qui pour me juger? C'est quand même terrible. Que pourquoi tu me juges? Vous voyez ce qu'il en est. Donc il y a vraiment une incompréhension même de ce qu'on appelle communion fraternelle. Les gens ne comprennent pas qu'en réalité, en tant que frère, j'ai le devoir de le devoir pour que ton nom, le nom de Seigneur Jésus-Christ ne soit pas blasphémé à cause de toi. Parce que si toi tu fais blasphémer le nom de Seigneur Jésus-Christ, je suis coupable. Parce que la Bible déclare que ceux qui sont forts spirituellement doivent soutenir les faibles. C'est ce que le Seigneur a dit. Et par conséquent, ton problème en tant que croyant me concerne au plus haut point. Parce que si le nom du Seigneur est blasphémé, j'en suis concerné. Parce que plus tard, quand je venais parler du nom du Seigneur Jésus-Christ là-bas, cette personne-là va me dire, c'est vous qui faites comme ça et vous faites comme ça. Et chaque fois, ce rappel-là, c'est pour blasphémer la parole du Seigneur. L'apôtre Paul dit que lorsque vous avez des procès les uns les autres, c'est ce dont l'Église ne fait d'aucun cas qu'on prend pour juge. Alors qu'on devrait avoir des frères au milieu de l'Assemblée, au milieu des chrétiens, qui puissent prononcer entre les frères. Donc, il est notoire que la Bible donne le droit aux frères qui sont dans la maturité de pouvoir résoudre le problème jusqu'à... En fait, la Bible déclare que si même dans le livre de Matthieu, chapitre 18, le Seigneur Jésus-Christ dit que si vous avez un problème entre ton frère, va et reprend le seul à celui. Vous voyez, le Seigneur fait tout et tout pour que le problème se résout sans que le monde en soit au courant. Il dit, va et reprend le seul. Si il accepte, tu as gagné ton frère. Pas que non, tu dis que non, j'ai raison. Non, non, non. C'est pour que, au nom de l'amour, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cette chose-là n'amène pas le scandale. Il dit, s'il refuse de t'écouter, amène deux ou trois personnes avec toi. Vous voyez, pour que toute chose soit réglée sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Il dit là que amène deux ou trois frères avec toi. Ça veut dire que le Seigneur fait tout et tout pour que le problème chrétien se règle en milieu chrétien. Puis il dit, s'il refuse d'écouter ces deux-là également, dis-le à l'église. Ça veut dire que dans l'assemblée des saints, qu'on pose ce problème là-bas. Et jusque-là, si cette personne-là refuse de le faire, on doit le considérer. C'est ce que la Bible déclare. Ici, il n'y a pas de sentiment. C'est les méthodes chrétiennes de résoudre. Et ici, c'est le Seigneur qui bâtit son église, qui les prescrit. Et là, nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 6, l'apôtre peut continuer à mettre les pieds, à profiner les pieds de cet édifice-là. Et là, le Seigneur Jésus-Christ dit, et s'il refuse d'écouter aussi l'Église, il faut le considérer comme un publicain, c'est-à-dire comme un païen, en fait. C'est-à-dire que comme quelqu'un qui n'a jamais cru. Parce que quelqu'un qui a cru comprendrait que Dieu parle au milieu des frères et parle au travers des frères pour résoudre le problème. Amen. Maintenant, l'une des choses encore que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, c'est qu'il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? En réalité, si je suis mature, et là maintenant, ça c'est un autre domaine de la chair, normalement les êtres humains n'aiment pas qu'on les rabaisse. Ça c'est normal dans les êtres humains. Ils n'aiment pas qu'on les rabaisse, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un haut standing par rapport à la chair, les gens n'aiment pas qu'on les rabaisse jusqu'à un certain niveau au point où, quand on va devant les gens, on va dire, il a perdu la face. Mais comment est-ce qu'on marche sur lui comme ça, il ne dit rien. Pourtant, dans l'esprit, c'est plutôt un caractère fort. C'est un caractère fort et luable. Vous voyez, de telle enseigne que quand on dit des choses de vous, une soeur peut avoir dit des choses de vous. Et effectivement, il a vraiment dit cela. On vous la rapporte, vous dites, ok, même si elle a dit ça, je lui pardonne, c'est ma soeur. La prochaine fois, vous la voyez, vous l'embrassez, vous dites, ma soeur, j'ai entendu dire des choses, que tu as dit des choses de moi, mais je t'aime toujours. Ah, mon frère, vous pouvez savoir quelle puissance de l'amour cela a. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais maintenant, imaginez que cette soeur-ci vient dire, oh, j'ai entendu que telle personne a dit telle chose de toi. Elle arrange le pain, là, comme les bassas du Cameroun, l'arrange, là, que je vais lui faire savoir comment que dans ma tradition, on ne parle pas contre les bassas comme ça. Vous voyez quel scandale ça va amener? Or, maintenant, ici, nous avons le nom du Seigneur Jésus-Christ qui doit être maintenu. L'amour qui doit être maintenu entre les frères. Et par conséquent, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de préconiser? Il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Ça veut dire quoi? On parle du frère Junior, au lieu que je parle en retour pour me justifier ou bien pour ne pas perdre la face, je reste tranquille, même si on dit quoi de moi, même si on dit n'importe quoi de moi, mais pour que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous soyons. Même si on dit des choses de nous, même si on mentionne notre nom, on calomnie, je ne me justifie pas. En réalité, c'est ce que le Seigneur veut. C'est-à-dire, même si les gens vont dire, oh, toi, oh, on t'a appelé ceci, on t'a appelé cela, on a raison, laisse-les avoir raison. La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de fautes, une multitude de péchés. Vous voyez? Parce qu'en parlant, plus on parle, plus on commet de péchés, ça rend compte. Vous pouvez avoir raison sur le plan humain. Vous pouvez avoir raison devant les hommes. Présentez les preuves palpables jusqu'à ce que vous avez raison. Mais vous ne vous en sortirez devant Dieu jamais avec ça. Vous voyez? Prenons le cas de Josué, le souverain sacrificateur de Zacharie au chapitre 3. Il était positionné là devant le Seigneur. L'ange de l'Éternel était là, à côté, Satan était de l'autre côté, en train de l'accuser. Et la Bible déclare qu'il était là avec les vêtements sales. Oui. La tunique du souverain sacrificateur, quand c'est sale, ça montre que terriblement que tous les péchés d'Israël ne peuvent pas être pardonnés. Parce que le souverain sacrificateur qui doit amener avec son ornement sacré, le sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Alors lorsque lui-même a le vêtement sale, ça montre donc que le peuple est dans la culpabilité. Lui-même est dans la culpabilité. Mais il se tenait là devant le Seigneur. On peut avoir dit n'importe quoi de lui dehors. Que non, ces prêtres-là, ils commettent le péché. Il est comme ça, sur le souverain sacrificateur, il noie le peuple. Mais là, l'ange de l'Éternel a dit à Satan que l'Éternel te réprimande. Et puis on a dit changer lui son vêtement. Lorsqu'on a dit cela, c'était terminé. Vous voyez, quand le Seigneur justifie, personne ne peut plus condamner. C'est donc pour cela qu'il faut pas mépriser les enfants du Seigneur. Donc, vous qui m'écoutez, alors, quel qu'en soit le problème que vous avez avec les chrétiens, pardonnez au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pardonnez au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je crois ça c'est l'un des points qui crée les cisaniers au milieu chrétien. Amen. Parce qu'on blesse l'homme intérieur. On blesse notre cœur, notre nature propre. Quand on blesse comme ça, quelqu'un commence à se retirer. Ce n'est pas la solution. Parce que si vous vous rencontrez au ciel, vous allez vous embrasser. Vous vous rencontrez au ciel, tu ne pourras pas garder rancune à quelqu'un au ciel. Amen. La sœur Ketia, bonne arrivée. Ketia Makumika, bonjour. Amen. Bon, il y a des gens ici qui ne veulent pas qu'on les voit. Il y a la sœur Ketia qui ne veut pas qu'on la voit. Elle est en image. Lorsqu'elle était petite, c'est sa petite sœur. Il y a le frère William qui parle. Bonjour tout le monde. Bonjour. On ne te voit pas. Il y a le frère William qui est seulement, on voit seulement sa photo avec les verres là-bas, comme un ancien prêtre du séminaire. On ne le voit pas bien. Bon, alors c'est dans le livre des Colossiens, chapitre 3 également. Et voyons quelque chose là-bas. Colossiens, chapitre 3. Attends. Le livre des Colossiens, au chapitre 3. Colossiens au chapitre 3. Colossiens chapitre. Vous y êtes? Si vous êtes en Colossiens chapitre 3, est-ce que quelqu'un peut. La sœur Ketia, on ne te voit pas du tout. Donc les saints ne savent pas qui tu es ni comment tu es. On sait seulement Ketia. Ça va, Ketia? Ah bon? Oui, on ne te voit pas du tout. La sœur Kelly est à côté de toi, elle a hâte à te voir. La sœur Paul aussi. Ah, d'accord. Tu cliques juste sur la vidéo, sur ta vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Ou si vous êtes. Ah, c'est bon? Ou non, on ne te voit pas non plus. La sœur Kelly va nous dire quand ta vidéo va venir, parce que c'est elle qui veut te voir là. Colossiens chapitre 3. Ah bon? C'est bon? Non, bon, de toute façon, c'est. Allons-y, on voit seulement quand tu étais petit, tu avais 10 ans là, tu marchais, tu faisais des pas. Allons-y, verset 12 à 16. Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 16. Qui va lire alors? Donc, vraiment conduit de Dieu, saint et bien. D'entrailles de bonté, de douceur, de patience, d'un pardon aux autres. Si l'un a quelque sujet de Christ vous a pardonné, vous aussi. Je crois que faites de même. Toujours porter vous arrêter, qui est le lien de la paix. Voilà. Je crois que le frère William doit avoir un problème de connexion. Oui, c'est moi qui ai un souci de connexion. Allô? Vous y êtes? Vous m'entendez? Ça va? Alors la France dans la sainteté, tout le monde m'entend parce que j'ai du mal à entendre le frère William Oui. dans sa lecture. Oui. Ok. Le frère William, toi tu m'entends? On t'entend, frère. Oui. Ok, le frère William, est-ce que tu es à l'écoute? Tu nous entends aussi? Oui. Parce qu'il y a eu des coupures dans la lecture. Je ne sais pas si les autres en ont subi la même chose. Ah, ok. Oui, on reprend encore le Alors, question. Ok. Partie du 12. Oui. Ok. On était comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres, si l'un a quelques sujets de paix, comme il vous a pardonné, vous aussi, faites le même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite abondamment en vous, en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes et des hymnes et des cantes spirituelles, chantant dans vos cœurs au Seigneur avec reconnaissance. Amen. Donc nous voyons que les cas de chrétiens, les choses sont réglées différemment. Et là, l'apôtre Paul, une fois de plus, tente de signifier que si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, le premier principe, c'est qu'on se pardonne mutuellement, de même comme Christ nous a pardonné. Ça veut dire qu'il peut avoir des sujets de plainte entre les chrétiens. Mais le premier principe, c'est quel qu'en soit ce qu'il en est, ça doit aboutir d'abord au pardon. D'abord au pardon. S'il n'y a pas pardon, il ne peut pas avoir d'amour. En fait, pour ceux qui sont mariés, vous devez savoir cela. Quand il n'y a pas de pardon, chacun va commencer à dormir dans sa chambre. Ou bien si vous allez dans le même lit, chacun se tourne le dos d'un côté parce qu'on n'est pas d'accord. Vous voyez que ce n'est pas une atmosphère de vie cela. Vous ne pouvez pas être tranquille. Même si vous tournez le dos, vous regardez le mur. Le mur ne peut pas vous faire bisous. Ouais, vous voyez effectivement que vous devez seulement vous retourner de l'autre côté pour résoudre le problème, n'est-ce pas? Et c'est dur. Hein? Comment ça c'est dur, mon frère? Il faut se voir. Pour pardon. Oui. Lorsqu'il y a pardon, justement, oui. tout est. Mais ces moments où il y a de la tension et tout le reste est vraiment difficile. Oui. Parce que là, on ne sait pas quel est le problème, on ne sait pas comment le résoudre, on n'a pas de solution sur le champ. Quoi. Oui. Lorsque les situations se posent, la chose c'est quitter la scène et aller se mettre à genoux, prier et demander. Parce que justement, les esprits peuvent créer des tensions entre les gens au point où quand vous regardez effectivement, vous ne voyez pas quel est le vrai problème. La sagesse voudrait que tu te retires. Il faut te retirer parce que quand tu te retires, ça calme la tension d'abord. Ça calme les nerfs. Tu te retires, tu vas dans un endroit, tu pries. Seigneur, je soumets mon cœur entre tes mains. Je soumets le cœur de mon frère entre tes mains. Je soumets mon cœur de ma soeur entre tes mains. Je soumets le cœur de mon mari. Je soumets le cœur de ma soeur. Seigneur, prends le contrôle et que c'est l'amour de Christ qui règne dans nos cœurs. Donne-moi que si je suis dans le tort, que je puisse reconnaître mon tort. Mais dès le départ, je lui pardonne. Il faut que ça soit cela. Si c'est ça, Satan ne peut pas vous arrêter là-bas dedans. Il fait tout et tout pour que votre atmosphère spirituelle ne soit pas propice pour la prière. Imaginez. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, dans le cadre de l'homme et la femme, où on dit, femme, que chacun soit soumise à son mari, même si celui pour ceux qui ne croient pas à la parole, pour qu'il soit gagné sans parole. Et on dit que le mari, de la même façon, et vous voyez au verset 7, on dit que faites cela pour que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Parce qu'avec les tensions, il y aura des obstacles dans la prière. On a toutes les âmes pour réussir avec le Seigneur. Et on a toutes les âmes pour ne pas réussir également. La première âme pour ne pas réussir avec le Seigneur, il s'agit de mélanger la chair dans la vie de l'esprit, et puis vous êtes fichu. Vous êtes fichu. Il suffit de mélanger les âmes de la chair dans la vie spirituelle. Vous êtes fichu. Vous y êtes. Frère William, tu as des paroles, on ne t'entend pas. En ce moment-là, entends-je. Oui, vas-y. Je disais en ce moment-là, entre en jeu le discernement. Oui. Alors, mon frère, si tu vois effectivement que connaissant ces choses et prévoyant de telles choses au milieu chrétien, tu comprends donc le pourquoi le chrétien doit cultiver la vie de l'esprit. Vivre dans la vie de l'esprit afin que ce soit pas quand le moment de la chair se manifeste dans la vie de quelqu'un, qu'il puisse rapidement discerner que ici, il y a des dérivés là. Là, maintenant, on voit le frère William. Là maintenant sans lunettes. Bonjour. Bonjour. Il manque la soeur Kelly. Je crois, j'ai l'impression qu'avec la pluie que, nous, que de, la ville de Douala est en train d'être balayée là, il y a quelques petits soucis de connexion. Mais je crois que par la grâce de Dieu, on va vraiment finir avec ces enseignements. Donc mon frère, ces choses dont nous sommes en train de parler aujourd'hui sont vraiment des gangrènes en milieu chrétien. Et non, en fait, ce n'est pas bon pour n'importe qui. Personne n'aimerait vivre dans le problème. Quand vous voyez en route quelqu'un avec qui vous avez des problèmes, vous regardez, quand vous regardez, vous voyez effectivement que vous-même vous êtes mal à l'aise. Pourquoi ne pas tout simplement vivre en paix? Pourquoi ne pas seulement vivre en paix tel que la Bible le préconise? C'est la meilleure des choses. C'est pour ça que je suis fier de dire qu'en réalité, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Si quelqu'un a des problèmes avec moi, lui, il est dans les problèmes. Moi, je n'ai pas de problème. Vous voyez? La seule personne avec qui j'ai des problèmes, c'est Satan. Et je ne peux pas le laisser tranquille. Je ne peux pas le laisser tranquille tant que je suis ici. Vous voyez? Parce que c'est lui qui nous dérange comme ça. Donc, en fait, lui et moi, on ne pourra jamais être en paix. Ça, c'est réglé. Mais entre nous, sur cette terre-ci, nous pourrons nous entendre. Même s'il y a n'importe quoi. La Bible déclare que rechercher la paix et la sanctification. Dans l'autre verset, il dit que poursuivez la paix, qu'on doit poursuivre. Que le mot paix, le mot pardon, amour, paix, soit pour nous. D'accord? Pardon, amour, paix, d'accord? Pape, pas le pape des catholiques, pape maintenant. Pardon, amour et paix. Soit pour vous, soit votre principe. Même si on vous fait n'importe quoi, premier principe, il faut pardonner. C'est ainsi que parle le Seigneur. Pardonner, même s'il y a n'importe quoi. Oui, vous ne savez pas, frère, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Tu ne sais pas, il m'a mis le couteau dans le dos. Ne vous inquiétez pas, pour le Seigneur, on a mis plutôt dans son cœur. D'accord? Donc, il faut pardonner. Et la Bible déclare à ces Colossiens qu'on a lu là-bas, il faut, quel que soit le sujet de discussion que vous pouvez avoir, pardonner. Même que Christ vous a pardonné. Lui, il n'avait rien fait, mais d'abord, s'il y avait un bon homme qui ne devait pas mourir sur la terre, ce serait lui. Mais on lui a écouté la vie à 33 ans. Moi, j'ai mon âge maintenant, je le dépasse même à son âge. Donc, j'ai même plus vécu sur la terre que lui. Vous voyez, et pourtant, lui faisait du bien. Moi, j'étais un mauvais garçon. Mais regarde, me voici encore sur la terre. Donc, faisons tout et tout pour rendre notre environnement sain, serein. Pour ceux qui sont autour de nous, soyons les artisans de la paix, les artisans de la joie qui rend la vie habitable. Même si, souvenez-vous de ceci, encore une fois de plus, si vous retenez quelque chose contre quelqu'un, la même chose vous est retenue devant le Seigneur. Parce que vous avez intérêt à pardonner, parce que vous avez besoin vous-même du pardon. Si vous refusez de pardonner sur quoi que ce soit, à cet instant-là, vous avez oublié Dieu. Vous avez brisé la connexion entre vous et Dieu. Et il ne vous écoutera pas tant que ce problème ne sera pas réglé. Votre mari a fait quelque chose, vous dites que c'est terminé comme ça là. Je vais lui tourner le dos. Je vais tourner le dos et retourner le dos pour le rencontrer, pour le regarder. Il faut résoudre le problème en face. Amen. Amen. Des questions? Allô? Il y a quelqu'un qui... la soeur Nafissa doit fermer son micro parce que là, je crois que la connexion est allée. Et voilà. Qu'elle ferme la seule Paul Gertrude, comme il y a le bébé là-bas, ferme les connexions pour que ça t'aille. La soeur qui est également. La soeur qui est, je crois qu'elle va revenir. Voilà, je crois que les micros doivent être fermés à moins que vous voulez parler quelque chose ou bien un dit un amen, vous fermez ou vous ouvrez le micro parce que là c'est désagréable. Oui, mon frère, vas-y. Oui, alors je voulais pardon, la soeur Paul, tu veux parler. La soeur Paul, tu as des soucis avec ta connexion parce qu'on t'entend là, c'est un succès. Oui, j'ai un peu de soucis avec ma connexion, mais bon, ça s'est rétabli. Oui. Frère, je voulais poser une question. Oui. Dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 7, verset 1 à 2. Oui. Oui. Allô? Oui, on t'écoute. Vas-y, ma soeur. Allô? Ma soeur, je te dis, tu nous entends? Essaie de lui parler, voir si elle entend. Je ne sais pas si c'est moi qui ai le problème. Je vais raccrocher et. Vous l'entendez? Ok, donc je crois que c'est elle qui n'a pas de retour. Oui, frère, en temps, le temps qu'elle raccroche et elle fait son entrée encore. Et vas-y pour ta question. Oui, alors, pratiquement, je voulais savoir, par rapport au pardon, l'amour et la paix, ok? Donc, oui, c'est vrai qu'il faut rechercher la paix avec tous. D'accord. Mais pardon, par rapport au pardon et à l'amour. Oui. Au milieu des païens. Oui. Vous savez. Voilà. La soeur, par exemple, travail... une seconde, frère, la soeur Paul Gertrude est venue. Oui, ma soeur. Nous avons une question dans le livre de Deutéronome 7, versets 1 à 2. Oui, et c'est au niveau de là où le Seigneur dit que lorsqu'ils vont entrer dans un pays, ils ne vont pas faire de grâce, ils ne vont pas le faire cadeau, ils vont les dévouer par interdit. Oui. C'est ça le problème? Oui, les Éthiens, les Gilgaziens et tout ça là. Oui, que Dieu a demandé de ne pas les faire de grâce, de les dévouer tous par interdit. Quelle est la question, ma soeur? Bah, je voudrais savoir, quand l'Éternel parle de... des Éthiens, des Gilgaziens, des Amoréens et tout ça. Oui. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les peuples. Les nations. Ce sont les nations qui habitaient ces contrées-là. Parce qu'il dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aurait fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, oui. Et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, oui. Les Éthiens, les Gilgaziens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éthiens et les Jébusiens. Oui. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Oui. Elles sont puissantes, puissantes dans quel sens? Dans le sens de la divinité négative et dans le sens de l'armée. Parce que les Juifs n'étaient pas une armée constituée. Ce sont des ensembles de prêtres qui vivaient ce que sur la conduite du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas une armée constituée comme les gens qui ont des armes. Ils avaient le plus grand parmi eux avait un bâton comme ça qui pouvait taper un animal. Alors que les autres avaient les fers et autres, les lances, comme on a aujourd'hui, par exemple, une armée puissante comme l'armée américaine, par exemple. Et puis, le peuple chrétien, il va comme ça, avec la main levée, et Dieu dit qu'il va chasser cette armée puissante de haut devant de lui. D'accord, ma soeur? D'accord. Donc, le territoire que Dieu devait donner à Israël, ce sont ces peuples-là qui peuplaient ces environs-là. Quand tu auras le temps, il faut lire le livre de Josué, d'accord? Le livre de Josué, chapitre 13 et 14. Et puis le livre des Nombres, au chapitre 1 et chapitre 2. Pour voir la répartition de ces peuples-là. D'accord, ma soeur? D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Le revenons au frère William maintenant. Frère William? Oui, alors, je disais par rapport au pape dont on parlait tout à l'heure. Oui. Pardon à vous et la paix. Oui. Oui, c'est vrai, on cherchait la paix avec tous. Oui. Vous savez, nous vivons dans ce monde. Oui. Et nous sommes tout le temps confrontés au travail, dans la rue, n'est-ce pas, à d'autres personnes. Mm-hmm. Et on recherche la paix plus que tous. Mais à certains moments, nous sommes oppressés, nous sommes combattus, souvent même sans aucune raison. L'attitude en ce moment-là, quelle pourrait être l'attitude en ce moment? L'attitude dans le moment de souffrance ou bien dans le moment des problèmes? Pardon? Dans le moment de pression ou bien dans le moment de souffrance, qui a l'antagonisme entre des gens? Non, où nous sommes accusés à tort ou à raison. Bon, c'est vrai, nous sommes tous des hommes, on peut faire des erreurs. Oui. Mais souvent, nous sommes aussi accusés pratiquement à tort. Oui. À tort et... Peut-être nous n'avons rien fait, nous sommes accusés, ou alors nous avons fait des erreurs, mais nous sommes accusés outre mesure. Oui. Et peut-être l'accusation n'est pas proportionnelle avec la faute qui a été donnée. Oui. Voilà. Alors, allons voir donc ce que l'apôtre dit dans le livre de 1 Pierre également. Dans le livre de 1 Pierre. Nous y avons été aujourd'hui. La sœur Julie, que Dieu te bénisse. Amen, amen, frère. Tu y es, mon frère? 1 Pierre, chapitre 4. Verset 12 et suivant. Verset 12 jusqu'au verset 19. Et puis on va lire le chapitre 2 également, versets 18 à 21. Alors, bien aimé, ne soyez point surpris de la fournaise qui est sous. On On t'écoute, mon cher frère. Alors, bienvenue. J'ai eu un fruit de la punaise qui est au milieu de vous. Et comme vous arrivez quelque chose. Je crois que là, le micro du frère est éloigné de sa bouche, là. Réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, ou larron, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais s'il souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie Dieu à cet égard. Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu, et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si c'est à grande peine que le juste est sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? Que ceux donc qui souffrent par la volonté de Dieu lui recommandent leur âme comme à un créateur fidèle en faisant le bien. Voilà. Donc, en fait, en lisant là-bas, il n'y a même pas de commentaire à faire, n'est-ce pas, mon frère? Oui, oui. Chapitre 2, donc, chapitre 2, verset 18, donc à 23. Pour sortir de cela. Alors, chapitre 2, verset 18 à 23. Oui. Domestiques, soyez soumis à vos maîtres en toute crainte. Non seulement à ceux qui sont bons et indulgents, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une chose agréable à Dieu que quelqu'un, par un motif de conscience, endure des afflictions en souffrant injustement. Quelle gloire! Mais frère, c'est pas ça, tu avais lu ça dans ta Bible à toi? Oui. Mais ça, oui. Ça répond à ta question que tu as posée. Oui. Ouais. Continuons. Quelle gloire, en effet, vous revêtez-il si vous supportez patiemment d'être battu pour avoir mal fait, mais si vous supportez patiemment la souffrance pour avoir bien fait, c'est à cela que Dieu prend plaisir. Oui. Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Voilà. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est trouvé aucune fraude, oui. Qui, outragé, ne rendait point d'outrage, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà. Donc, en fait, l'étiquette qu'on a pris de Seigneur Jésus-Christ est collée à nous, l'État ancien, que nous nous imitions ces traces-là, n'est-ce pas, dans les injustices. Donc, si quelqu'un dit qu'il a déjà subi le mal, Jésus en a subi, plus que lui. Si quelqu'un dit qu'il a subi une injustice, ce qu'on appelle les parodies des jugements, Jésus en a subi. Donc, ce n'est pas maintenant sur la terre que vous allez au procès. On essaie de voir le juge émonié pour trouver de faux témoins contre vous et puis pour s'ordonner sentence d'après la loi. Jésus en a subi. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous voyez, même à sa mort, on a même fait la corruption avec les soldats. Quand l'ange est venu, c'est qu'on allait payer les soldats. On dit, dites que les disciples sont venus voler son corps. Donc on a même voulu que le témoin. Et la Bible déclare que ces rumeurs-là, parcourent au milieu des juifs, c'est jusqu'aujourd'hui que les disciples étaient venus voler le corps de Jésus pour aller dire qu'il est ressuscité. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc en clair, frère. Dans le lieu de servir ou n'importe quoi, si on subit l'injustice en tant que chrétien, la Bible déclare que plutôt on doit glorifier le Seigneur, on doit être réjouissant. Mais il ne faut pas que lorsque on nous accuse ou bien qu'on nous fasse subir des choses, qu'on en soit impliqué. Prenons un exemple simple, vous êtes chrétien dans une entreprise quelque part. Il y a des chiffres d'affaires, peut-être le patron de cette entreprise ou bien le comptable de cette entreprise fait tout et tout. Ils font des fausses chiffres souvent. Et puis, entre toi, connaissant cela, quand il y a des retombées, vous partagez ensemble. Mais le jour où on va mettre la main sur cette trace-là, la loi de retour inverse va te traiter. Et là, quand on va le faire subir, on va te faire subir. Là, parce que tu partages avec un voleur. Tu partages le pain avec un voleur, le salaire d'un voleur. Et la Bible déclare dans le livre des Proverbes que celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Donc, ça veut dire qu'il ne doit pas participer avec le voleur. Maintenant, prenons l'autre cas. Supposons que vous soyez au courant que ce comptable a fait ces choses-là, mais chaque fois qu'il veut partager avec vous, vous dites, je ne participe pas avec le salaire de l'iniquité. Et puis ce jour-là, à un moment donné, donc, on décide donc de balayer tout cela, croyant que vous êtes aussi impliqué parmi tout cela. Vous dites, je n'ai jamais été impliqué là-dessus. Là, même si on vous donne de quitter le travail, vous quittez en toute âme de conscience parce que c'est dans l'injustice qu'on vous a fait quitter. Tu n'as jamais participé à cela. Mais maintenant, en tant que chrétien, si tu y sors, on te met à la porte, tu subis exactement la peine du jugement. Comme on l'a dit, il faut que ça commence par l'église. Il faut que Dieu te juge avec les autres pour qu'on participe à la sainteté. Là maintenant, tu seras coupable et dans ta conscience, tu diras que en fait, tu as participé au banditisme, à quelque chose de vol. Mais si on te met dehors de ton travail parce que tu as pris position pour ce qui est bien, la Bible déclare qu'il faut réjouir, c'est réjouir avec le Seigneur. Amen. Amen. Emmanuel Yoba, bonjour et bienvenue à la France dans la sainteté. C'est ta première parution ici. Bonjour, frère. Oui, mais vous avez décidé qu'on ne doit pas vous voir. Tu as mis une image, une icône là-bas en blanc. Donc, c'est toi qu'on voit là. C'est très bien. Kétia, au moins, a mis sa photo quand elle avait l'âge de 1 an, 6 mois. Qu'elle apprenait à marcher. Ah non. Donc, nous sommes encore dans la phase des questions-réponses. Je crois que toutes ces questions, si sont en train de toucher jusque-là, ça touche le thème que nous avons vu la dernière fois. Parce que c'est une réaction de la chair. Parce que nous parlions de la dernière fois de la marche de l'esprit face à la manifestation de la chair. Parce que très souvent, nous disons chrétiens et les actions que nous posons au quotidien, ce que nous faisons au quotidien, nous voyons que ça tourne autour de la chair. Mais pourtant, le Dieu que nous sommes censés servir, c'est un Dieu qui est esprit. Et la Bible nous déclare que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On se pose la question, comment adorer Dieu en esprit et en vérité? Mais pourtant, dans notre adoration, nous sommes encore dans l'adoration charnelle. Je crois que tout ceci meuble également pour nous conduire à bien nous régler. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui se dit chrétien, et dont le Seigneur Jésus-Christ, a dit, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, quelqu'un te gifle, tu dis... Comment mon cher frère? Il y a la résonance, il y a le retour des de trucs chez quelqu'un. Il y a la résonance, il y a le retour des trucs chez quelqu'un. Donc, je crois que c'est chez la soeur Kétia, il y a le micro qui est ouvert. Là, il y a le bar. La soeur Kétia, si tu écoutes, coupe ton micro. À moins que tu veuilles parler, comme ça ne dérange pas. Il y a le bafle qui remet encore le même son. Je m'entends là-bas. Comment? J'entends pas bien. Coupe ton micro justement. Coupe ton micro. Au bout du bas, baisse ton bas. Ah d'accord. Ok. Voilà. Donc dès que tu auras coupé ton micro, voir si c'est chez toi que ça sort, que cette sens. Voilà. Il n'y a plus ce mélange là. Voilà. Autre question. Si vous avez des questions, ouvrez vos micros, posez juste la question, puis vous refermez le micro comme ça. Il n'y a pas ces sons là. Mais tu n'as pas encore répondu à ma question. J'essaie, il te regarde très attentivement. Tu bouges les pieds là sur la table pour dire que je t'attends au tournant avec ma question. J'arrive. Oui. C'est, en fait, voici ce qui se passe. Ils sont en train de tourner. Je saisis les questions parce qu'ils sont en train d'aller dans une direction par rapport à l'enseignement de la dernière fois. C'est parce que ta question n'a pas très à voir avec cela. Parce que je prends le fil pour suivre cette direction-là. C'est pour ça que je mets cela d'abord de côté. Parce que, en fait, c'est l'autre est facile. On peut dire c'est comme ça. Mais ici, voici les choses qu'il faut construire dans la vie des croyants. Voici les choses qu'il faut construire. Tu comprends, ma soeur? Des questions là? Nafissa, si tu veux parler, il faut baisser d'abord ton... Si tu lèves que tu veux parler, il faut baisser ton micro parce que c'est chez toi. Je crois que ce sont les baffles d'Abidjan que tu utilises là-bas, les boîtes de nuit d'Abidjan que tu utilises chez toi. Est-ce que ça fait des bruits et un son fou là-bas? Des questions? Quand vous gardez vos questions dans votre cœur, là, ça ne peut pas vous créer des crises cardiaques, mes frères et sœurs. Frère, oui. Et par rapport à tout ceci, avec tout ce qu'on a dit là, les problèmes avec quelqu'un, et que tu n'en parles pas, mais dans ton cœur, ça boue et tu murmures, même si tu gardes le visage serein, et que, mais ça t'empêche même de dormir carrément, tu murmures, ça te bouffe. Est-ce que c'est la bonne attitude où il faut aller? Parce que parfois, on a envie de... Il y a un centre chez vous qu'on a créé là, comme je dis la dernière fois, tu pars là-bas, tu lui casses la gueule là-bas, quoi. Tu vas te défouler là-bas, tu prends la bouteille. On représente la personne, tu dis que je vais lui casser la tête dans la bouteille. Est-ce que ce serait la bonne attitude? Non. Non, je dis parce qu'il y a une fausse maîtrise en fait. Tout parfois tu dis je ne dis rien, je dis rien, mais un jour il y aura une goutte d'eau qui va déborder le vase et tu vas dire que tu n'as plus te reconnaître. Vous savez, je ne sais pas comment vous faire comprendre ces choses-ci. Si la parole de Dieu habite dans votre cœur et que vous comprenez ce que Christ est venu faire, vous ne retiendrez pas de mal contre quelqu'un. Vous n'accepterez pas qu'on parle de mal contre quelqu'un vers vous. Vous ne participerez pas à ces choses mauvaises, là, sachant que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Vous n'êtes pas le torchon accumulateur que vous allez accumuler des choses à l'intérieur. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez vers la personne, dites-lui que mon frère, ma soeur, je ne suis pas d'accord sur ce que tu as fait. Tu m'as fait tes choses, ça m'a blessé, s'il te plaît. Ne fais plus cela. Je t'ai pardonné. Vous vous embrassez et puis ça s'arrête là. N'accumule pas. Ces choses-là, ça va donner des toxines dans le corps. Ça va pousser à avoir des problèmes dans le corps. Vous allez avoir des problèmes de santé à cause de ces choses-là. D'accord? Vous voyez, quand je vais me coucher, je dis, si je vais dormir à 2 heures, je vais me coucher à 2 heures et je dors. Je n'aime pas l'insomnie. Vous allez avoir les cauchemars pour rien à cause des choses qui sont sur le cœur. Vous avez assez de problèmes même comme ça pour vous en sortir avec le Seigneur. Ne mettez pas encore quelqu'un dans votre cœur. D'accord? Ne mettez pas. Oui, frère, mais il y a des personnes qui sont tellement susceptibles que parfois tu vois quelque chose, tu gardes pour toi parce que tu dis, dès que je vais lui dire ça, la personne va monter dans les tours. Donc du coup, pour ne pas avoir à affronter ça, tu restes tranquille en fait. Ok, dans ce cas, tu n'es pas toi le porteur des fardeaux. Si c'est comme ça, tu vas décharger ça sur le Seigneur Jésus. Va décharger, que ne garde pas sur toi. La Bible déclare qu'on se décharge sur lui de tous nos soucis. Si ceci te crée souci, par exemple, vous pouvez avoir un mari et que le mari, pour ceux qui ont des maris non croyants, et que le mari ne peut même pas comprendre quelque chose, il n'y a qu'une seule façon de le faire. C'est de poser le problème à celui qui change de cœur. C'est celui qui incline le cœur. Est-ce que tu peux incliner le cœur de quelqu'un? Non. Même ton propre cœur, la Bible déclare que ton propre cœur, tu ne maîtrises même pas. Et tu vas faire quoi avec le cœur de l'autre? Tu vois un peu cela? La Bible déclare que l'homme lui-même ne maîtrise pas ton propre cœur. Le cœur de l'homme est méchant et torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître? Donc même ton propre cœur. Ça, tu poses des actes et puis un de ceux, tu te surprends que moi, c'est moi qui ai posé cet acte-ci. Donc, n'en parlons pas donc d'autrui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Si ton mari te pose problème en tant que non-croyant, si une femme a un mari non-croyant, qu'est-ce que vous faites? Mettez-vous à genoux. Le problème, c'est résoudre à genoux. Quand ça se résout à genoux, vous parlez au Seigneur de la bonne façon, votre cœur ne retiendra jamais rien. J'ai fait de cela le socle de ma vie chrétienne depuis des années parce que j'ai été averti par le Seigneur que j'ai subi des trucs, des tours. C'est pour ça que je m'appelle le torchon du Seigneur. Quand on me prend, on essuie la table, avec moi on essuie la table, j'appuie ça sur le Seigneur pour que rien ne reste dans le torchon. Si on mal parle de moi, je prends, j'appuie sur le Seigneur. Ce sont mes bénédictions là-bas. Vous voyez? Parce que je ne veux pas que quelque chose me développe. Il m'a donné un corps béni, je dois m'occuper de la Sainte Grâce avec les enfants. Je ne dois pas venir subir ça avec les choses, avec les pressions. Rien ne dort en moi. Je déchasse ça sur le Seigneur. Vous voyez? Maintenant, je suis arrivé au niveau quand vous parlez, c'est comme si vous avez versé de l'eau sur le nylon. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc ça glisse directement, ça part chez lui. Il n'a pas le temps de commenter cela parce qu'il y en a plusieurs choses à enjouer au ciel. Il y a plusieurs choses dans l'esprit pour ne pas commencer à rester que tel a dit ceci de toi et tel autre a dit ceci de toi. On n'a pas le temps pour cela. Si les gens ont du temps à surveiller, laissez-les tranquilles. Si ton mari veut faire quelque chose, laisse tranquille, va vers le Seigneur, tu dis la chose. Si un frère ou une soeur dit quelque chose, allez vers le Seigneur, dis Seigneur, tu vois cette personne. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parlez au Seigneur, restez tranquille. Amen. Mais enfin, vous avez d'abord la grâce, hein, frère. Les hommes ont d'abord la grâce, même quand ils ne sont pas chrétiens, de ne pas retenir. Mais nous, les femmes, c'est un peu plus difficile pour nous. Parce que même quand tu décharges au Seigneur, tu as toujours quand même quelques amertumes dans ton cœur. Même quand tu as tout dit au Seigneur. Ouais. Oui. En fait. Il y a deux choses là dans ce domaine. Lorsque vous avez la blessure, quand vous nettoyez, même quand vous mettez la salée, vous mettez le remède, la blessure est quand même là. Mais vous avez quand même nettoyé la plaie qui s'y trouve. Donc, ce qui est là, c'est seulement le temps qui va cicatriser. Ça, c'est un côté. L'autre côté, c'est que vous, les femmes, vous avez le facteur fois 1000. Le facteur de multiplication par 1000. C'est-à-dire que si on dit un problème, vous multipliez ça par 1000. C'est naturel chez vous. Il y a des hommes qui n'aiment pas les détails. Tu pars au marché, tu rentres, tu dis chérie. Assieds-toi et t'explique. Lui, il a de ces choses à faire. Tu assieds-toi et t'explique. Il faut qu'il te donne les détails sur tout ce qui est. Il dit que je ne veux pas écouter. Laisse-moi aller avec les détails. Il n'est pas entré dans les détails. Mais toi, tu aimerais expliquer les détails. Je crois qu'il va falloir aussi pour aller aux hommes pour qu'ils comprennent que vous avez les facteurs par 1000. Pour qu'ils essayent aussi de comprendre qu'il okay, faut qu'ils amortissent même jusqu'à 500. Quoi. Il faut aussi ça. Donc, ce sont ces choses-là. D'accord, ma soeur? Oui, mais si vous restez en communion avec le Seigneur, vous restez en communion avec le Seigneur, avec l'Esprit, le Saint-Esprit vous utilisera toujours, même si la personne a un caractère difficile, n'importe comment, toujours à toucher son cœur. Regardez dans le livre de Luc au chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, le Seigneur donne l'exemple d'une femme là-bas. Le verset 1 dit, le Seigneur leur donna cette parabole, c'est pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Puis prend l'histoire d'une veuve, d'un juge inique dans une ville qui ne craignait pas Dieu. Il ne faisait pas cas de Dieu ni quoi que ce soit. On le craignait, il était redouté. Et puis la Bible déclare qu'il y avait une femme qui venait chaque fois lui dire, rends-moi justice de ma partie adverse. Qu'est-ce qui l'empêchait à tuer cette femme? Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a même, il y a même des pertinences dans la prière qui fait de temps en temps que même si quelqu'un est ton pire ennemi, il fléchit les genoux. Donc la solution, c'est la prière. Amen. Amen. Amen, amen. Oui, posez des questions, posez des questions. La France dans la sainteté. Ketia, y a-t-il pas de questions? Si tu veux parler, tu ouvres ton micro. Souviens-toi, ton micro est fermé. Et Emmanuel Yoba, vous n'avez pas de questions? La Sainte Gertrude, pas de questions? Non, j'ai pas de questions. Ok, vous allez faire comme ça, quand on va raccrocher, maintenant, vous allez dire, ah, j'aurais dû poser telle question. Déchargez-vous donc, déchargez vos questions, et puis on va entrer dans les enseignements. Bon, frère, je voudrais aussi dire par rapport à nos pensées aussi, parce que l'exercice que tu nous as fait faire tout au long de la semaine... Alors, attends, ma soeur, vous voyez que j'ai dit quelque chose depuis la semaine dernière. Je vous dis, posez des questions. J'attends à ce que vous me donnez le retour de ce que nous avons fait la dernière fois. Personne n'en parle. Je suis seulement surpris. Vous commencez à vous comporter comme les chrétiens du Cameroun ici-là. Continue, ma soeur, parle. Justement, je suis en train de dire par rapport à cet exercice... Que tu nous as donné la semaine dernière pour exercer notre cœur là, à la bouche du cœur en fait. À la méditation. Donc, voilà, à la méditation. Donc pendant toute cette semaine, donc, moi pour ma part, je l'ai fait. Et aujourd'hui, enfin il y a certains trucs que les pensées me viennent en tête. Et comme j'ai demandé au Seigneur de nettoyer, donc du coup aujourd'hui j'ai même fait l'effort que ces pensées là viennent dans ma tête. C'est une image bizarre qu'on a eue dans le monde. À ma grande surprise, je me suis même forcé pour penser, pour que ça vienne, mais c'est pourtant c'est des images qui étaient là permanentes, même certaines paroles et tout ça, mais j'ai dit, mais attends, ça marche alors, vraiment cet exercice, ça a l'air simple comme ça, banal, mais vraiment ça nous travaille, parce que moi-même j'ai fait l'effort pour penser, pour que ces images viennent, mais non. Ah, si vous pouvez savoir ce qu'il en est. C'est pour ça que j'ai du mal à expliquer ces choses-là quand on entre dans l'esprit. Si vous pouvez savoir ce que l'homme intérieur désire. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Donc quand la loi de la chair entre en action, vous pouvez faire que... Il faut que l'homme intérieur soit habité par la parole. Que la parole touche l'homme intérieur. Quand la parole touche l'homme intérieur, c'est terrible. Cet exercice. Vous dites... Ah, quand je dors, je ne rêve pas, il dort. Il ne me souvient plus de mes rêves. Faites cet exercice, les visions viendront. Faites cet exercice, vous allez voir des choses terribles. Faites cet exercice, vous allez entendre la voix de Dieu. Il va parler, vous saurez que c'est la voix de Dieu. Quand il aura nettoyé tout ce qui est des charnels, vous allez avoir des visions. Faites cet exercice. Je ne sais pas comment on peut faire autrement. Je ne peux pas prendre la Bible, mettre ça dans vous. Je n'en ai pas le pouvoir. Je dois vous dire ce qu'il montre dans la parole. Si vous pouvez faire ce que je vous l'ai dit, dès le départ, quand vous allez mettre comme ça, comme par exemple la Sainte Gertrude, il va penser, il va commencer à vous la dire, penser. Après, tu entends qu'il y a ma mère là-bas au Cameroun. Ça, c'est dans le cœur. Il y a ma mère au Cameroun. Mon mari va venir à quelle heure, ainsi de suite. Ça, vous en avez pensé à autre chose en avez pensé dans votre âme. Vous en avez pensé à autre chose en avez pensé à votre cœur. Après, vous entendez qu'il y a de l'argent qui doit envoyer à telle personne, il y a telle chose qui, telle personne. Ça, c'est dans votre cœur. Pourtant, vous voulez penser quelque chose. Quand cette phase-là traverse, et que vous maintenez votre cœur toujours à la méditation de la parole. À cet instant-là, vous allez savoir que votre homme intérieur est en train de manger la parole. Sinon, vous ouvrez la Bible maintenant, vous ouvrez, vous lisez maintenant. Dès que vous fermez la Bible, vous déposez, on dit, quel est le premier passage qu'on a lu où vous ne vous souvenez plus? Pourtant, quand la parole est repassée dans votre cœur, allons-y dans la Bible. Je vais vous montrer quelque chose. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Vous y êtes? Oui. Le chapitre 2. à partir du verset 34. Verset combien, frère? Luc, 34? Luc chapitre 2, à partir du verset 34. Vous y êtes? Oui. Quelqu'un lit alors? Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Oui. Siméon l'a béni et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avant son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournaient en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jérusalem allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il lui disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. J'avoue que... Amen. Je suis sûr que si vous demandez si vous avez perçu la chose qu'il voulait que vous voyez, ou certainement vous n'avez pas perçu. Vous avez perçu quelque chose? Il croissait. Là, tu as déjà posé la question, tu n'es pas en train de répondre. Tu as perçu quelque chose? Ce que j'ai perçu, c'est qu'il croissait en sagesse et en grâce. Oui, autre personne. Donc, il pense. Si vous vous souvenez de ce qu'il était en train de développer avant que je suis allé là-bas. Oui? Moi, c'est de la dame qui priait dans l'église jour et nuit. Oui. Donc tu vas en train d'aller en intercession. Continuons. Qui a perçu la chose? Souvenez-vous de ce qu'il était en train de parler avant. Si vous vous souvenez, allez-y à partir de là où ce qu'il était en train de dire par rapport aux méditations dans le cœur et ainsi de suite. Avant d'aller ici. Ta mère gardait ce qu'il était en train de dire. Applaudissez pour la soeur là. Applaudissez pour la soeur Julie là-bas. Applaudissez pour elle. Voilà. Ta mère gardait tout ce qu'il disait dans son cœur. Donc quand tout événement se passait avec le Seigneur, elle gardait ça où? Dans son cœur. Maintenant, on va voir ce qu'elle faisait cela. Il faut qu'on vaille maintenant dans son cœur. On va voir ce qu'elle faisait avec ça dans son cœur, d'accord? En fait, je sens de lui dire que je ne peux pas vous enseigner ceci autrement. Il faut que vous fassiez entrer ces choses-là en vous. Souvenez-vous de Jacques chapitre 1. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Si c'est à l'intérieur. Ah mon Dieu. Maintenant, restons dans le chapitre 2 toujours. Lisons à partir du verset 8 cette fois-ci. Verset 8. On va s'arrêter au verset 20. Verset 8. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouvez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude d'armées célestes, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi l'homme qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, s'il te plaît, tu peux prendre l'enfant. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Le huitième jour. Ça va, ma soeur. Voilà. Vous avez vu exactement encore cette chose que Marie faisait, n'est-ce pas, la mère du Seigneur Jésus. Amen. Elle gardait, puis elle faisait quoi avec cela? Elle passait dans son cœur. Ok, maintenant, c'est en cela que ça consiste. Vous voyez, il y a des façons d'exprimer certaines choses. J'ai oublié d'aller dans la parole pour vous prendre ça dans la parole, pour commencer à vous expliquer. La Bible déclare que tout ce qu'on disait, parce que elle a une conception miraculeuse. Jusqu'à preuve du contraire, c'est elle celle qui a rencontré l'ange et que l'ange est venu dire aussi à Joseph, les autres personnes peuvent avoir des choses à l'extérieur. Au fur et à mesure, le Seigneur ajoute des choses sur la vie de cet enfant-là. Et là, les bergers viennent commencer à louer avec eux là-bas qu'on nous a indiqué qu'il y a un enfant qui est né comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, on dit donc dans ce verset 19 là, que Marie gardait toutes ces choses. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un vibreur là-bas qui... Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et les repassait dans son cœur. Vous m'entendez, frère et soeur? Oui. Donc, maintenant, on disait de Jésus qu'il était bâtard. On pourrait dire de Jésus, de Marie qu'elle est adultère, qu'elle est une fille prostituée. Ça, ces paroles-là, elle ne gardait pas ça en elle pour réfléchir dessus. Elle gardait ce qu'on disait de Jésus, la parole. Elle gardait ça dans ton cœur. Dans son cœur, puis elle repassait. Repassait, ça veut dire qu'elle méditait dessus. Elle faisait que ça revienne. C'est sur cela qu'elle pensait. Vous avez compris maintenant, n'est-ce pas? Amen. J'espère que vous avez saisi. Continuez l'exercice. Continuez avec cet exercice. Ça va vous faire du bien. Parce que très souvent, vous allez dire, oh ma belle-mère, quand j'entends le nom de ma belle-mère, je me souviens de tout ce qu'elle m'a fait. Oh, la femme s'y m'a fini. Oh mon frère, où pouvez-vous vous en sortir comme ça? Vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Vous allez bien dire, oh ma belle, ma chérie, je t'aime. Mais vous savez que ce n'est pas vrai dans le cœur. Vous allez dire, oh telle personne, quand j'entends le nom de telle personne, c'est encore très grave. Vous ne pouvez pas avancer comme ça. Prenez la parole, déposez sur le cœur, par la méditation, repassez cela dans le cœur. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Ça va faire du bien dans votre être intérieur, avec votre relation avec le Seigneur et puis avec les autres. Vous allez regarder les gens, vous allez comprendre l'essence de l'amour. Vous allez comprendre ce qu'on appelle le lien de la perfection. Vous allez comprendre cela. Vous allez comprendre ce que c'est que l'amour sans intérêt. Vous aimez quelqu'un tout simplement, même si la personne vous est déterminée, vous l'aimez tout simplement parce que vous n'avez pas le choix, parce que votre cœur est exercé à cela. pour les pasteurs oui. dont la Bible parle comme étant les pasteurs cupides, on dit que leur cœur est exercé à la cupidité. Donc ils méditent sur les passages qui parlent de la prospérité. Ils méditent sur comment tordre les versets comme ça te fait pour que tu comprennes que non, celui-ci, en voyant que tu as sorti son argent donné. On dit son cœur est exercé à la cupidité. Alors maintenant, exercez votre cœur aussi maintenant cette fois-ci pour les choses du royaume. Et voyez ce qu'il en est. D'accord, monsieur. Des questions. Il y a les enfants qui bavardent. Il y a les enfants qui bavardent chez soit la sœur Julie, soit la sœur Paul. C'est là où le son sort. C'est pas chez toi, c'est dans ce cas chez la sœur Paul. Il y a des enfants qui bavardent quelque part. Oui. Je disais, frère, parce que il y a des moments, on pose un acte parce qu'on veut tellement être bien avec le Seigneur que quand on pose un acte, après on culpabilise, on a l'impression que le Seigneur donc ça nous affaiblit en fait, parce qu'on s'en veut et on culpabilise d'avoir fait cette chose. Parce que moi, pour ma part, dans ma tête, je mets toujours que il y a un grand écran au ciel. Et que le Seigneur est en train de me regarder en permanence. Donc, je me focalise sur ça. Je me dis, mais il y a mon écran comme ça et que ses yeux sont braqués sur moi. Il me regarde. Donc, ce qui fait que je peux même accélérer pour passer vite à un feu. Du coup, à l'instant, si je passe et que le feu est resté au rouge, je culpabilise en fait. Je suis mal. Bon, quand tu es mal, tu as mal, donc tu résous ça comment? Quand tu as mal là? Non, justement, je dis, c'est cette culpabilité-là que après ça t'angoisse et ça t'affaiblit, en fait. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2 que, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Donc, quand tu dis, oh, j'ai conduit, le feu était rouge, j'ai pas vu, pouf. Ok, tu vas te culpabiliser, tu vas faire comment? Est-ce que tu vas résoudre le problème? Tu as déjà traversé. Ok, tu peux rentrer alors, aller attendre le feu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu demandes, Seigneur, pardonne-moi. Tu vois cela? Et puis, ça continue. Des questions? La sœur Kelly n'a aucune question. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Le frère William, ça va la question? Ça va déjà? Oui, je dirais que ça va. Tout est clair et bon. Que la grâce du Seigneur soit sur nous pour pouvoir persévérer. Amen. Souvenez-vous de cet exercice. Amen. Vous ne pouvez pas avancer dans l'esprit sans cet exercice. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Cet exercice se débarrassera de ce qui est impur à l'intérieur. Mettra l'homme intérieur à la place qu'il faut pour que l'esprit le oint. Et puis à cet instant, quand l'homme intérieur prend le dessus, souvenez-vous de cela. La solution pour marcher avec le Seigneur, ce n'est pas de détruire la chair. Vous ne pouvez pas détruire la chair. C'est de marcher selon l'esprit. Et comment quitter de la chair pour marcher selon l'esprit? Il faut qu'il y ait une nette séparation entre les choses de notre cœur qui nous attachent sur cette terre-ci et les choses de l'esprit. Cette séparation, ça se passe par cet exercice-là. Vous ne pouvez pas avancer avec le Seigneur. Aventure avec le Seigneur. On va toujours rester dans... Et Satan sait ça très bien. Satan sait très bien que lorsqu'on marche par l'esprit, on n'est plus redevance par rapport à lui parce qu'il ne pourra plus jamais nous vaincre avec les choses de ce monde-ci. Et donc pour cela, il nous fait tourner avec les circonstances en rond. Quand votre enfant chauffe, vous êtes là, Seigneur. Seigneur, oh, miséricorde pour cet enfant. Quand le problème de l'enfant est résolu, quand c'est ton mari maintenant qui rentre tard. Oh Seigneur, mon mari rentre tard. Comme s'il ne connaissait pas. Mon mari rentre tard. Quand ça finit là-bas, oh, c'est ta maman qui crée le problème dans la famille. Oh Seigneur, ma maman. Vous voyez que vous passez seulement le temps à résoudre le problème dans les circonstances. Alors que Dieu, ça t'attend à un autre niveau de la relation avec lui. Je ne sais pas si vous me saisissez ici. Satan utilise des circonstances. Tant qu'on va rester dans la chair, Satan va utiliser les circonstances pour nous maintenir à un rythme de religieux. C'est-à-dire, le rythme de religieux, c'est qu'on prie en fonction des circonstances. Vous comprenez ce que je viens de dire? Oui, oui. Bam, il y a la guerre dans notre pays. Oh Seigneur, aie miséricorde pour que cette personne soit protégée. Vroom, ça finit. Ça, il y a l'accalmie. Ha, il y a telle personne qui est enceinte, va accoucher demain. Seigneur, aie miséricorde pour qu'elle accouche bien. On n'est pas des machines. Qu'on va prendre pour faire l'attraction, mais si vous tirez, casser le prune ici, aller là-bas pour faire le. Non. Et il faut qu'on arrive au niveau où, lorsque quelque chose arrive, on sait dans le domaine spirituel en quoi ça se réfère. Si c'est la volonté de Dieu que ça arrive, si, pour qu'il donne la direction, s'il faut prier ou pas, s'il faut lui rendre grâce ou pas. Mais prions, chacun bombarde, c'est mal. Oh, on a le génie. Amen. Après, on se tourne ici, on bombarde ici, on bombarde. Au moins, si Dieu nous a donné ces paroles-là, qu'on continue à parler, ça ne finit jamais. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on arrive au niveau de l'esprit. Vous savez, c'est ces choses-ci qui font de telles enseignes que vous voyez, les gens ne comprennent pas quand ils viennent vers les serviteurs du Seigneur. Quand quelqu'un vient, il pose un problème, il a comme impression que tu vas prier pour lui directement. Il dit, mais ce sont ces choses qui posent problème. Parce qu'on ne comprend pas cela. Vous souvenez? Souvenez-vous du livre du prophète, le prophète Samuel, lorsqu'il est allé pour oindre de David. Vous souvenez de ce qui s'est passé? Lorsqu'il a vu Eliashib comme ça se présenter, le gars était colosse. Quand il faisait sa main comme ça, c'était gros ici. Il a dit, waouh! En lui-même, il dit que ça peut être le roi là-bas. Qui lui a demandé que, qui lui a dit que le roi c'est quelqu'un de colosse? Il s'est levé, il courait comme ça pour aller le oindre. Dieu dit que ne prends pas garde à lui, ne regarde pas sa forme là, je l'ai rejeté. Vous avez vu ça, frère? Il regarde un autre encore, il est musclé. Il dit, ah! Jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui dit que ce n'est pas lui. Il dit, l'homme regarde au cœur, ce qui frappe là. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu lui regarde au cœur. Rencontrons-le dans ce cœur là. Il dit, Dieu regarde au cœur. Il y a des niveaux même où on a même compris ces choses-ci. Lorsqu'il parle de l'habillement, les gens disent que non, Dieu regarde au cœur. Maintenant, s'il regarde au cœur, il va donc voir quoi? Dites-moi aussi. Là, maintenant, là où on parle, s'il regarde le cœur des croyants, il va voir quoi? Le manque de pardon, c'est ça qu'il va rencontrer dedans. Les mauvaises méditations, c'est ça qu'il va rencontrer dedans. Les paroles hautaines, c'est ça qu'il va rencontrer dedans. L'orgueil de la vie, c'est ça qu'il va rencontrer dedans. Donc, il faut qu'on nettoie cela, n'est-ce pas? Amen. Il faut qu'on nettoie cela. Vous ne pouvez pas vivre dans la sainteté avec ces choses à l'intérieur. Parce que la sainteté consiste à vivre à l'intérieur et à l'extérieur. Eh bien, comment donc peux-tu dire que, ok, je vis dans la sainteté et que dans ton cœur tu as gardé quelqu'un? C'est quoi donc la sainteté dans ce cas? Il y a une tâche terrible à l'intérieur. Exactement. Allons dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lisons les versets 1 à 20. Vraiment, vraiment, lisons doucement et assimilons ce que le Seigneur nous enseigne. Allons-y. Qui va lire alors? Je lis. Alors, des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dire, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi, celui qui maudira son père ou sa mère finira à la mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, tout ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est-ce pas coupable, quoi qu'il honore pas son père ou sa mère? Vous annulez ainsi le commandement de Dieu par votre tradition. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous en disant, ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'honore en vain en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Puis, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Sur cela, les disciples s'approchèrent, lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours? Et il répondit et dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont les aveugles, conducteurs d'aveugles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais les choses qui sortent de la bouche partent du cœur, et ces choses-là souillent l'homme. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les médisances. Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme, mais manger sans avoir les mains lavées, cela ne souille pas l'homme. Voilà la condition. Amen. Amen. Voilà donc la condition de l'homme décrite là-bas. Voilà la condition de l'homme décrite là-bas. Et donc, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous verrons que certaines de ces choses que le Seigneur a citées là-bas se trouvent en nous. N'est-ce pas? Voilà. C'est vrai, on dit, oh là, le Cameroun dans la sainteté, les gens sont tellement pressés, je n'ai pas encore fini avec la France, ne me persécutez pas comme ça. Donc, je vais finir avec la France, la France à la grâce, c'est la France, c'est la France. Amen. Ouais, amen. France. Amen. Permettez-moi, j'ai le signal là. Voilà. Alors, mes frères, comme je le disais, à l'issue de ces lectures de Matthieu chapitre 15, versets 1 à 20, nous voyons la triste condition de l'homme. Et ici, c'est déjà des passages, on ne devrait jamais lire. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Tout le monde m'entendez? Oui. Voilà. Oui, oui. On ne devrait jamais lire ces genre de passages et passer. Parce qu'en réalité, là est révélée la condition de l'homme. Et ici, c'est le Créateur qui le dit. Le Créateur nous donne le renseignement que les choses qui nous souillent se trouvent à l'intérieur. Et si nous regardons, il les a cités. Il les a cités. Et lorsqu'il les cite, lorsque je suis en train de lire la parole, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me dire, puisque je suis un être humain et que j'ai le cœur, est-ce que les choses mentionnées ici se trouvent en moi? Réfléchissez-y. Quand vous trouvez maintenant la solution, la question maintenant est évidente. Comment faire pour s'en sortir là-dedans? C'est-à-dire que pour faire extirper ces choses de notre cœur. Puisqu'il dit, voilà les choses qui souillent l'homme. Ça veut dire que si l'une de ces choses se trouve à l'intérieur de toi, ça veut dire devant lui tu es souillé. Parce que la Bible déclare que Dieu regarde au cœur comme les gens disent. Alors maintenant, s'il regarde au cœur, qu'est-ce qu'il va voir à l'intérieur? S'il trouve ces choses-ci, sache que tu es souillé. Il a dit aux pharisiens que vous nettoyez l'intérieur de la coupe à l'extérieur de la coupe parce que les pharisiens avaient des pratiques. Il dit hypocrite, nettoie d'abord l'intérieur et puis l'extérieur sera net. Vous voyez comment il dit aux pharisiens? Alors, notre intérieur doit être nettoyé. Le Seigneur dit que mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui suit l'homme. Quand vous entendez quelqu'un, une femme insulte, il dit dans mon village, on insulte les gens, on t'insulte comme ça, on te vend à 5 francs, on n'achète pas. Qu'est-ce que la personne doit faire? Ça veut dire qu'à l'intérieur se trouvent donc quoi? Des impuretés. Il débite comme ça des saletés sur les autres humains. Or, la Bible, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces choses? Il dit que qui ne sort de votre bouche aucune parole impure. Mais s'il y a quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, on ne doit pas sortir. Si on dit bénissez au contraire, si on vous injure, n'injure pas. Il faut bénir. Mais comment tu vas bénir si ça ne sort pas de l'intérieur? C'est qu'en voyant que tu as téléchargé comme ça une 20 balles par seconde contre la personne, avant de dire, hey, je suis chrétien. Vous voyez? Chrétien de lèvres, chrétien de confession, pas chrétien en pratique. Parce que le vrai chrétien, c'est d'abord dans le cœur. Parce que la transformation vient dans le cœur. Et il n'y a pas de chrétien sans amour. Il n'y a pas de chrétien sans pardon. Il n'y a pas de chrétien sans paix. Soyez en paix, d'accord? Alors, le Seigneur, je recommence encore ceci, c'est important au plus haut niveau. 1. Le Seigneur nous montre que, ici, l'homme n'est pas souillé en mangeant quelque chose qui va entrer. C'était les préfigures que Dieu leur avait donné dans l'Ancien Testament avec les souris et autres là-bas. Maintenant, il dit, le siège des souillures se trouve à l'intérieur, c'est dans le cœur. Le vrai problème que nous avons, c'est que vous, même si vous sortiez votre cœur, vous faites l'opération chirurgicale, vous mettez cela dans l'eau de Javel, ça va seulement tuer votre sang. Ça ne tuera pas la souillure de l'idolâtrie, du péché là. Ça ne peut pas résoudre le problème. Donc, ce n'est pas l'eau de Javel physique ou quoi que ce soit sur cette terre qui puisse nettoyer cela. Il faut que le Saint-Esprit entre pour faire le nettoyage. Donc, nous devons nettoyer l'intérieur. Vous voyez? Vous voyez pourquoi cet exercice-là est d'une importance capitale, n'est-ce pas? La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour, frère. Bonjour. Voulons-nous continuer à vivre dans la souillure avec ces choses sur le cœur? Je crois que la sœur Kétia n'était pas au courant de ce qui s'est passé la semaine dernière. Je crois qu'à l'issue de ceci, pendant qu'il se rend de travailler avec d'autres personnes, prenez le soin de lui expliquer pourquoi elle soit dans le bain. Parce que c'est sûr que dans sa tête, elle dirait de quoi est-ce qu'il parle même là depuis les essais. C'est ce qu'il a donné depuis le plus bas. C'est ça, n'est-ce pas, le frère Emmanuel? Oui, je pas aussi là. Donc, les frères vont vous expliquer c'est en quoi consiste cet exercice. Parce que l'exercice consiste à faire une opération chirurgicale du cœur pour extirper les maux qui minent notre vie spirituelle. Il y a la stratégie pour le faire. Et la France, dans la sainteté, en a reçu l'exclusivité. Amen. Frère, c'est à l'issue de ces enseignements-là qu'on se rend compte qu'on est vraiment encore vraiment sale, frère. Parce que ça met vraiment l'état de notre cœur en... Ça nous pousse à regarder à l'intérieur. Parce qu'on va beau attacher les foulards, on va beau se couvrir et tout ça là, mais on voit que à l'intérieur, nous sommes encore tellement sales. Parce que quand on lit tout ça et quand... On a mal au cœur, frère. C'est très bien, ma soeur. C'est exactement là où on arrive. On arrive au niveau où vous voyez effectivement qu'il y a des choses que vous devez faire. Vous avez fait ce qu'il faut de nécessaire pour vous, les femmes, la sanctification extérieure. Mais ce qui est à l'intérieur, si vous devez permettre au Seigneur de faire. Allons-y quelque part. Regardez très attentivement. Nous parlons de cœur là, n'est-ce pas? Ah, je vais simplement. Si vous avez été ici, je crois que si le Seigneur permet que nous venions encore en France, je vais prendre des temps et des temps dans ce style d'enseignement ci pour que jusqu'à ce qu'on entre dans une autre profondeur avec le Seigneur. Absolument. Allons dans le livre de 1 Pierre voir quelque chose. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Quand vous voyez une femme lever la voix contre son mari, il dit, tu sors, je sors. C'est la dernière fois que moi me fais ça. Vous sentez que c'est le monde qui va à l'envers. Je vous le dis. C'est une calamité. Ah non, non, tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait. Tout le monde a vu. Mais Dieu dit le contraire. 1 Pierre chapitre 3. Le frère William, tu as quelle version de la Bible? Ah, Osterval. Ok, lisons donc dans la version Osterval, les versets, le chapitre 3 de 1 Pierre. J'espère que tout le monde y est. La sœur Gertrude, beaucoup de courage. Chapitre 3, versets 1 à 7. Lisons-nous ça, frère. Alors, femme, soyez de même soumise à vos maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole, par la conduite de leur femme. Lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse, que votre parure ne soit point celle du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits. Mais l'homme caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Car ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu étant soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes fille en faisant du bien et en ne vous laissant troubler par aucune crainte. Marie, de même, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes comme envers un être plus faible en lui rendant honneur puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie afin que vos prières ne soient point entravées. Amen. Amen. La Bible dit que c'est un sexe faible. Aujourd'hui, en France, Naïja, où ils sont les gens là, on dit que non, c'est l'égalité. Elles peuvent aller dans l'armée, porter même le grade de colonel. C'est que la femme peut faire, l'homme peut faire, la femme peut faire. Mais la Bible dit le contraire. Maintenant, restons dans un aspect. Il y a un aspect de traitement à l'intérieur ici. Et Dieu ajoute quelque chose. Il dit que c'est d'un grand prix devant Dieu. Oh mon Amen. Dieu, Seigneur, permets-nous de saisir ceci vraiment. La Bible dit que la femme convertisse le temps qu'elle passait. Quand vous marchez dans la sanctification maintenant, que vous convertissez le temps que vous passiez pour les natter les cheveux, les habits, le rouge à lèvres, le temps là. Convertissez ça dans le travail intérieur. C'est en fait ce qu'on a de dire là-bas. Vous voyez? Puis il dit, ce caractère doux et paisible-là est d'un grand prix devant Dieu. La chose, c'est quoi? Le verset 4 dit, mais la parure. Donc, il faut qu'on soit revêtu de la parure, quoi? Intérieure et cachée. Et cachée dans le cœur. Où ça, mes soeurs? Dans le cœur. Dans le cœur. Dans le cœur. On dit, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, on dit, qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous ferez me le souligner, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça veut dire on dit que Dieu tient ceci au point. Le frère Christian a sélectionné, ou bien c'est la pause, il a fui encore pour revenir parce qu'il ne peut pas supporter de laisser la France dans la CTT sans y participer. Bonne arrivée encore, frère Christian. Merci. On est encore dans les commentaires, on n'a rien dit, tu n'as rien perdu. Donc, sois-en sûr. Merci, merci. On est seulement entré dans les profondeurs des Écritures, c'est seulement ce que tu as perdu. Heureusement que tu n'es pas seul, ta femme prendra le soin de bien t'expliquer. Je suis en train d'enregistrer, frère, il va écouter. Rendez-vous sur Bamba Iba. Alors la Bible déclare ici le verset 4, mais la parure intérieure, regardez bien verset 3 encore, regardez comment le Saint-Esprit met le verset 3 et 4. Il dit, ayez non cette parure extérieure. Vous voyez cela? Si vous regardez la phrase, la façon dont je le lis, il dit, ayez non cette parure extérieure. Le verset 4 continue, mais la parure intérieure. Il dit bien, sans lire, c'est qu'on a dit de refuser au verset 3. On dit, ayez non cette parure extérieure. Verset 4, mais la parure intérieure. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, frère Christian, nous sommes dans 1 Pierre au chapitre 3. Nous sommes en train de voir ces choses du cœur-là. Donc, dans le cœur, regardez très attentivement. Ah, mon Dieu, comment on va faire ces choses aujourd'hui? Seigneur, aide-nous. Notez Proverbe. Proverbe. Le chapitre 7. Je vais expliquer ce qui s'y trouve. Je crois que vous avez la suite là dans les enseignements. On y revient maintenant. Dans le Proverbe chapitre 7, vous vous souvenez de cette femme-là qui est allée dans la rue pour chercher un homme, des jeunes hommes. Et elle a pris cette femme, ce garçon dépourvu de sens, n'est-ce pas? Vous vous souvenez d'elle? Oui. Voilà. La Bible déclare qu'elle avait la parure extérieure des prostituées. Elle avait la ruse dans le cœur. Donc, si le Seigneur regardait son cœur, c'était la ruse. Donc, en allant acheter les mini-jupes, elle savait ce qu'elle va faire. Elle voulait mettre ses formes en valeur. Voilà ce qu'elle avait dans le cœur. Vous y êtes? On dit, dans le prochain chapitre, on dit que cette femme avait la mise d'une prostituée, donc l'habillement d'une prostituée. Allons-y là-bas. Ne me regardez pas comme ça. Proverbe chapitre 7. Avant qu'on ne parle de ces choses, ne fermez pas le 1 Pierre chapitre 3 là. Oh Seigneur, donne-nous de comprendre ces choses. Donne-nous de comprendre ces choses. Voilà. Lisons maintenant à partir du verset 1. Qui va lire là? Il faut que ce soit là. La soeur qui tient, lis-nous là. Si tu as la Bible avec toi, lis-nous. Toi-même, tu entends ce que les jeunes femmes peuvent faire aux gens ici dehors. Lis-nous. J'ai pas encore trouvé. Courage. C'est Proverbe chapitre 27, c'est ça? Oui, à partir du verset 1. Jusqu'au verset 12. Hein. Jusqu'au verset combien? Jusqu'au verset 12. 12, d'accord. Alors, donc je lis. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Voilà. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Vous avez entendu ça? Elle était bruyante et sans retenue. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Vous voyez, quand on porte les habits sexy, on ne peut pas porter les sexy pour aller à la cuisine avec. On porte pour marcher dans la rue. Parce que l'effet de sexisme, c'est dans la rue. Ses pieds ne peuvent pas rester dedans parce qu'il faut qu'il monte les jambes là, dehors. Elle part au métro, dans le métro, elle croise les pieds pour qu'on voit vraiment comment la cuisse. Elle part dans le jardin public. Elle peut faire elle fait le défilé. En fait, elle est possédée. Son cœur est possédé. Imaginez donc ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 17, chapitre 15. Là, on a vu qu'il y a l'impurité, toutes ces choses-là à l'intérieur. Donc, c'est l'impurité, c'est l'impudicité, la débauche, la fornication qui pousse quelqu'un à aller acheter une mini-jupe. Une jupe qui va lui serrer le corps pour qu'elle puisse trémousser. Un habit qui va lui faire monter son ventre. C'est l'impudicité qui se trouve dans son cœur. C'est l'état de son cœur qu'il extériorise comme ça. Maintenant, vous obéissez au Seigneur en voulant couvrir votre corps. Donc, à l'intérieur se trouve la soif de la sainteté. Mais le vrai problème maintenant, c'est que on est en train de vouloir comme ça fermer quelque chose qui se trouve d'abord à l'intérieur. Donc, normalement, il faut d'abord nettoyer l'intérieur avant de nettoyer l'extérieur. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Vous voyez le danger? C'est un peu comme vous avez la blessure et puis vous prenez la terre, vous mettez la blessure pour essayer d'effacer, pour fermer la terre. La blessure se trouve à l'intérieur, il faut nettoyer. Donc, vous permettez donc qu'on appuie ces choses-là pour en faire extirper la pluie à l'intérieur de vos cœurs, n'est-ce pas? Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Si vous êtes honnête, vous allez savoir que malgré, depuis que vous marchez avec le Seigneur, il y a des ressurgissances, des choses que, des manifestations de votre vie naturelle que vous aviez autrefois, qui sont négatives et qui vous font vraiment douter même souvent de la marche dans la foi. Ces choses, c'est le moment donc il faut rentrer devant le Seigneur avec ces choses-ci. Donc remarquons très attentivement au verset 10 ici. On dit, il fut aborté, et voici, il fut aborté par quoi? Par une femme. On dit, les enseignements doivent préserver les jeunes gens de la femme adultère, de la femme prostituée. Puis on dit, cette femme avait la mise d'une prostituée et la ruche dans le cœur. Donc on voit son extérieur et son intérieur, c'était impur. Vous voyez ce qu'il en est? Voilà. Remarquez très attentivement, suivez très attentivement, vous les femmes particulièrement. La mise, c'est l'accoutrement. Son habillement extérieur était l'habillement d'une prostituée. Et on dit la ruse dans le cœur. Donc sa ruse était manifeste sur son habillement. Elle n'a pas acheté le mini-jupe, pourquoi? Hop, et la preuve est que quand elle porte ça, elle marche seulement. Elle cherche comme ça, elle marche le chingon. Elle a mis les trucs, les phares là comme ça pour bien briller. Pour briller. Elle pointe ça sur toi comme ça, tu frémis. Et le jeune garçon, la Bible déclare que le jeune garçon va commencer tout à coup à le suivre comme un mouton. Jusqu'à ce que une épée perce, lui poisse le foie. Il ne sait pas que c'est au prix de sa vie qu'il y va. Que sa maison, c'est le séjour des morts. Comme le verset 24 à 25 le dit là-bas, que éviter ce genre de femmes parce qu'elle a fait tomber beaucoup d'hommes. Le chemin de sa maison là, ça mène sur le boulevard pour aller vers la mort. Donc comment faire pour aller vers la mort tranquillement sans mourir? Vous mourrez sans vous en rendre compte, allez chez les femmes qui sont sexy. Vous allez voir. C'est ce que la Bible dit. J'ai une question. Voilà, là, c'est que tu n'as pas besoin de la question. Non, si je comprends bien, l'intérieur et l'extérieur, les habits, ça va ensemble. Absolument. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'une personne est, par exemple, a un cœur pur, mais au niveau de l'extérieur, ce n'est pas bon. Il faut voir une musulmane. Tu lui dis maintenant que Mohamed a fait telle chose. Quand elle est couverte comme ça, tu vas savoir qu'il y a le couteau dans le cou, dans l'habit. Vous voyez que ça veut dire qu'il y a un problème. Vous voyez l'expression de la colère dont ils font montre. Donc, il semble qu'il y a un problème à l'intérieur. D'accord? C'est l'une des choses que le Seigneur reproche aux pharisiens. Il dit que vous paraissez dehors, juste au dehors, devant les hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein quoi? Des ossements humains. Vous voyez cela? Ça veut dire que là, il y a un problème. Là où il y a un problème. Et en même temps, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que, oh Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis, quelqu'un se trouve à côté de vous qui aime le Seigneur. Vous ne l'aimez pas. Il y a un problème dans votre intérieur et dans votre relation avec le Seigneur. Et par conséquent, il faut qu'on soit clair qu'il faut traiter l'extérieur et l'intérieur, pour les femmes particulièrement. Et nous tous, sans exception, il faut qu'on traite l'intérieur. Remarquez très attentivement parmi les conditions qu'on donne aux dirigeants de l'Église. On dit qu'il doit être doux, tempérant. Il ne doit pas avoir de querelles. Mais vous entendez aussi, aujourd'hui, les pasteurs ont des querelles au point où ils se bagarrent même, n'est-ce pas? Il y a un problème, frère, il y a un problème. Il faut qu'on admette notre faiblesse et on va devant le Seigneur, que le Seigneur traite ces choses. Les cœurs doivent être traités. Si ce n'est pas traité, on va continuer à se tromper comme ça. En attendant, le Seigneur viendra chercher, souvenez-vous, Matthieu chapitre 5, prenez le verset 8, qu'est-ce que ça dit? Matthieu chapitre 5. Je n'en ai pas fini avec ce Proverbe chapitre 7 et 1 Pierre chapitre 3, parce qu'il faut que j'y parle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La France dans la sainteté. Verset 5, chapitre 5, verset 8. Qu'est-ce que ça dit, la sœur Kétia? Frère Omane Yoba, tu as trouvé? Oui. Ok, lis-nous dans le verset 8 du chapitre 5 de Matthieu. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Merci pour ta version. Quelle est la version que tu as, mon cher frère? Darby. La version Darby. Oui, Darby plutôt. Je ne peux pas savoir comment la Bible peut être un peu plus claire comme ça et on lit, on en est s'amuser. Il dit bienheureux ceux-là qui ont le cœur pur, parce que ce sont ceux-là qui verront Dieu. Et le contraire de pur, c'est quoi? C'est souillé. Nous sommes d'accord. Et le Seigneur nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 15, tout à l'heure, que voilà les choses qui souillent l'homme. Ces choses qui viennent de l'intérieur, c'est ça qui souille l'homme. Donc ça veut dire qu'il faut que le cœur soit nettoyé de ces choses pour que ce cœur-là soit pur. Donc il faut qu'on va vers le Seigneur pour qu'il nettoie nos cœurs. Nous devons continuer ces exercices-là jusqu'à ce que nous soyons nettoyés. Nettoyés. Au point où, vous regardez, comme tu as dit là, ma chère soeur, tu regardes, essaie d'imaginer une image négative que tu avais au préalable, ça ne vient pas. Parce que ça ne se trouve plus. C'est exactement comme notre péché a été pardonné au point où, devant Dieu, ça ne sera plus jamais. Il faut que ça soit ôté. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, voilà. Quand vous voyez l'apôtre Paul, quelqu'un qui était un homme colérique, qui poussait les gens à blasphémer. Maintenant, qui aime tellement au point, il passe les nuits à prier pour l'église. Il dit, les églises me donnent de la peine chaque nuit. Je porte les traces, les porte ces marques-là pour le... Même si c'est sa délibération, ça ne fait absolument rien. Vous pensez que la colère qui le poussait à bout avec ses ailes exercices-là, où est-ce que c'est parti? Disparu. Vous voyez cela? Le Seigneur peut le faire pour nous. Donc, souvenez-vous de Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car... Ils verront Dieu, la version de mon frère Emmanuel Yoba dit, car ce sont ceux-là qui verront Dieu. Ok, nous attendons tout le Seigneur. Oh, Seigneur, nous attendons. Avec le cœur impur, avec le cœur souillé, non, ça ne marchera pas comme ça. Vérifions dans notre cœur si s'y trouvent les taches de souillure. Allons devant le Seigneur qui nettoie. C'est lui qui a les produits pour nettoyer cela. Si vous voulez les produits pour nettoyer votre WC, vous pouvez appeler le plombier. Vous voulez pour nettoyer votre maison, appelez le peintre. Mais ici, pour le cœur, là, c'est le Seigneur. C'est lui seul. Amen. C'est lui seul. Si vous avez du mal à pardonner quelqu'un, quand vous avez fait quelque chose qui vous a vraiment blessé, vous dites, Seigneur, ça m'a beaucoup fait mal. Restez devant lui avec cela jusqu'à ce qu'il soigne. Quand vous soignez une blessure, vous mettez l'alcool ou n'importe quoi, ça ne soigne pas, vous allez voir le médecin. Jusqu'à ce que le médecin finisse avec votre mal, non? Vous allez voir l'hôpital, vous allez à l'hôpital jusqu'à ce que le problème finisse. Quand le problème finit, est-ce que vous allez encore à l'hôpital? Puisque le problème finit. Alors maintenant, quand le problème du cœur n'est pas traité, rentrons devant le Seigneur jusqu'à ce qu'il traite ce cœur-là. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car c'est eux qui verront le Seigneur. Le cœur doit être purifié. Le cœur doit être purifié. Alors là, le Saint-Esprit dont nous dit dans 1 Pierre chapitre 3, dans le verset 3 et 4, il dit, ayez non cette parure extérieure. Non cette parure extérieure. Ayez non ceci. En fait, ça veut dire, n'ayez pas cette parure extérieure. Qui consiste dans cette beauté extérieure. Je suis sexy. Je suis belle. Et n'ayez pas cela. Mais ayez plutôt la parure intérieure. Donc Dieu veut ta beauté intérieure. La parure intérieure est cachée. La pureté d'un esprit doux et paisible. D'esprit doux et paisible. Vous qui êtes les femmes mariées, posez-vous la question. Quand votre mari dit quelque chose qui vous contrarie, est-ce que vous lui parlez avec douceur? Puis on vous donne un exemple d'Abraham. Regardez la contradiction que Abraham a eue. Regardez la maladresse que Sarah a eue dans son couple au point de mettre sa servante dans le sein de son mari. Et vous savez très bien quand une femme connaît bien un homme, comment elle peut se vanter de tout. Elle commence à venir maintenant la haranguer. Remarquez très attentivement comment Sarah a dû traiter ça au point où le prophète était obligé d'écouter Dieu. Et Dieu lui a dit, écoute ce que ta femme dit, fais tout ce qu'elle va te dire. Donc entre le prophète et la femme, c'est Dieu a dit que c'est la femme qui avait raison. N'est-ce pas, mes frères? C'est quelque chose que je n'ai jamais compris, frère. Ça, c'est... Sarah avait la révélation de la postérité. Vous dites pas... Oh mon Dieu, allons-y à l'une de Genèse. Genèse. Genèse. Chapitre 21. Vous y êtes? Verset 8 à 13, qu'est-ce que ça dit? Ou bien 8 à 21, disons du 8 à 21. Je vais lire alors. Et l'enfant grandit. Oui, vas-y alors, mon frère, vas-y. Et l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Et Sarah vit le fils d'Agar, l'égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham qui riait. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante de son fils, car le fils de cette servante n'héritera point avec mon fils, avec Isaac. Et cette parole dit plus fort à Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant de ta, et de ta servante. Quoi que te dise Sarah, obéis à sa voix, car c'est en Isaac que ta postérité sera appelée de toi. Ça va, mon frère, ne continue plus. C'est terrible. Vous entendez ce que Dieu dit pour Abraham? Il dit que même si ça te déplaît, obéis à Sarah. Ah. Ah. On dit c'est ainsi dans le livre de MP, on dit c'est ainsi que les saintes femmes a été habillée à l'intérieur comme ça. Dans cette intériorité comme ça. On dit comme Sarah qui était soumise à son mari jusqu'à ce qu'elle appelait son Seigneur. Donc la soumission de Sarah commençait d'abord dans le cœur. Il était soumis à Dieu. Elle comprenait que c'était son autorité. Ce n'est pas son autorité seulement quand il était présent. Remarquez, dans le livre de Galates au chapitre 4, le verset 30, l'apôtre Paul va reprendre encore cette parole de Sarah, de Sarah ici. Mais il va dire, que dit l'Écriture? Donc l'Écriture était venue plutôt par Sarah. Que dit l'Écriture dans Galates chapitre 4, verset 30? Il dit, que dit l'Écriture? Chasse la femme esclave, parce que le fils de la femme esclave n'héritera pas. Vous savez, après, on explique cela là-bas. Parlant des Agar, la montagne de Jérusalem et le Jérusalem de Nouvelle, ainsi de suite. Et le fils d'Isaac. Donc, la portion de la parole pour révéler la postérité de Christ était passée par Sarah. Mais nous voyons effectivement ici comment Dieu qui s'adresse à Sarah, à Abraham, pour dire que je sais que ça te fait mal au cœur. Il sait qu'une partie de toi se trouve là-bas, mais la femme a raison parce qu'elle est dans la ligne prophétique. Alors, il faut qu'on traite le problème du cœur. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3. Souvenez-vous de 1 Pierre chapitre 3. On n'a pas fini avec ces versets 3 et 4. J'arrive là. 1 Corinthiens chapitre 3. Souvenez-vous de cette parole sur sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. La France dans la sainteté. Le Cameroun dans la sainteté. L'Allemagne dans la sainteté. Vous dans la sainteté. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 1 à 5. Qui va lire? Moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des parties, n'êtes-vous pas charnel et ne vous conduisez-vous pas selon l'homme? Car lorsque l'un dit, pour moi, je suis de Paul, et l'autre, moi, je suis Apollo. N'êtes-vous pas charnel? Qui est donc Paul et qui est Apollo, sinon des ministres par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? Amen. Amen. Le Saint-Esprit dit clairement que la bonne présence pour mieux apprécier ce qu'on appelle la chair, c'est la présence des dénominations. Voilà ce que l'enseignement qui sort là-dedans. Le Saint-Esprit dit que pour bien voir ce que l'appelle par la chair, regardez les dénominations. Parce que là, il dit, l'un dit, moi, je suis de Paul. Moi, je suis de telle église. Moi, je suis de telle église. Il dit, vous êtes encore charnel. Vous avez vu, n'est-ce pas? Que voilà le signe de la chair. Parce que Christ, en réalité, est un. Si vous lisez le chapitre 1, verset 10, il dit qu'on doit être tous unis d'un même sentiment. Parlant, il ne doit pas avoir de division parmi nous. Mais nous voici aujourd'hui. Moi, je suis de tel groupe. Moi, je suis de tel groupe. Moi, je suis de tel groupe. Il dit, vous êtes charnel. Il dit qu'il y a des jalousies, des partis pris. Et ainsi, au milieu de nous. Et l'un dit que moi, il est parti au groupe de Paul. Moi, il est parti au groupe parce qu'il est cru par Paul. Moi, il est parti à tel groupe. Il y a un problème qu'on doit résoudre. On doit résoudre ce problème-ci. Le problème de la chair. Nous sommes d'accord? Oui. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Oui. Que Dieu vraiment nous aide. 1 Pierre 3, verset 3 et 4, souvenez-vous de ceci. Ayez non cette parure extérieure, verset 4, mais la parure intérieure. Ayez non cette femme, ne passez pas votre temps à traiter sur votre beauté extérieure. Non, Dieu ne nous a pas codé, Dieu nous a créé belle. Quand il fait la beauté, c'est pour être belle, c'est pour être belle. Ok, il dit, ne fais pas ça. Ça, c'est pas important pour Dieu. Ça, c'est pas d'un grand prix devant Dieu. Parce que lui, quand il t'a créé, il avait déjà dit que tu es belle. Tout ce que tu fais là pour faire là-bas, c'est ta part. Il a dit, mais la parure intérieure est cachée. La pureté d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui craignaient Dieu. Qui craignaient les saintes femmes qui craignaient Dieu. Comme Sarah. Un exemple. Sarah. Donc, le plus important pour la femme, c'est qu'elle puisse être douce et paisible à l'intérieur en répondant avec douceur. Qu'elle rend le pays habitable. Par la qualité que quand on veut parler, elle dit que je suis banganté. Elle te sort des insultes comme ça, ta tête chauffe. La Bible dit de cette femme-là que c'est une calamité. C'est une calamité. On dit une gouttière au temps de pluie et une femme querelleuse, c'est une et même chose. Vous voulez qu'on vous qualifie comme ça, mes soeurs? Non. Vous n'êtes pas des calamités, n'est-ce pas? Non. Soyez donc des filles de Sarah qui rendent le pays habitable, qui rendent le foyer habitable et dont le Seigneur peut compter pour vanter dans les générations futures qui fut un servante quelque part comme telle personne. D'accord? Amen. Mais le problème du cœur ne concerne pas seulement les femmes. Ça concerne l'homme parce que l'homme a un problème avec le cœur. Parce que dans Matthieu chapitre 15, nous avons vu, le Seigneur n'a pas dit que c'est ça qui souille le cœur de la femme. Non. Il a dit ça qui souille l'homme en général. Donc le problème de l'homme vient de son cœur. Tous les problèmes que vous voyez dans le monde entier, ça vient de là. Vous allez voir le problème israélo-palestinien, c'est tout simplement parce que quelqu'un passe les veines ce matin et dit, je vous demande pardon. Vous allez voir l'orgueil dans les nations, les tensions dans les nations, il dit, je ne peux pas lui demander pardon. Parce qu'il faut qu'il se positionne. Or, Christ, notre Seigneur, est la paix. Quand il vient, il accorde le pardon. Quand il demande le pardon, la restauration est là. Regardez dans votre relation, regardez tout autour de vous. Même si vous avez n'importe quelle tension, même si avec n'importe qui, même si quelqu'un avec un des plus gens, une personne le plus violent, si vous dites mon frère, reconnais mon tort, s'il te plaît, pardonne-moi, même s'il était courroucé, il va se calmer d'abord à cause du pardon dont vous lui avez dit. Pardonne. Quand il dit n'importe quoi, dites pardonne-moi mon frère, pardonne-moi mon frère. Même si la police l'a dit, il vous a demandé pardon. Vous comprenez cela? Voilà. Ayez non cette parure extérieure, mais la parure intérieure. Ayez non cette parure extérieure qui consiste à tresser les ornements d'or. N'ayez pas ça, mais la parure intérieure, la pureté d'un esprit doux et paisible. Jusqu'à ce que les femmes comprennent cela, elles vont avancer dans l'étude biblique. Elles vont avancer. C'est comprendre ça. Que ayez non ceci, n'ayez pas ceci, ayez plutôt ceci. Ayez ceci. Donc le temps qu'elle passe là-bas à coiffer, que même moi le faux c'est l'Iriana, elle passe là-bas. L'alcool est tombé dans mon œil, il faut nettoyer. Au lieu de passer là, il faut mettre l'alcool là dans le cœur pour que ça nettoie les mensonges, les mauvais désirs, la soif du monde, les envies. Et passe le temps là-dessus. Le Seigneur dit, convertissez vos temps de beauté au temps de beauté intérieure. Ce qui lui plaît. N'est-ce pas, nous voulons plaire au Seigneur. Si nous voulons plaire au Seigneur, il dit, voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. La France dans la sainteté, bon dimanche. Et à dimanche. Amen. C'est chaud. Voilà. Nous allons rester le Seigneur avec ça jusqu'à ce qu'il nous transforme, frère. Amen. Amen. Amen. Souvenez-vous une fois de plus de ce que je vous dis. Souvenez-vous. S'il arrive un de ces jours, on ne se voit plus. La sœur Nafi, ferme ton micro. S'il arrive qu'un de ces jours, on ne se voit plus, souvenez-vous que je vous ai aimé sur cette terre-ci. Pour certains d'entre vous, on s'est rencontrés là, physiquement. Pour certains d'entre vous, vous entendez seulement cette voix. Mais toujours est-il que j'aime les gens. Et ceux qui me font du mal, ceux qui mal parlent contre moi sans m'avoir vu, ceux qui écoutent l'enseignement disent que le Kouga la dérange, il n'y a pas de problème. J'aime les gens. Et je vais toujours les aimer. Je suis obligé de les aimer. Mais je vais m'atteler de vous dire la vérité qui va nous amener vers le Seigneur. Toujours vers le Seigneur. Et plaise au Seigneur qu'on se rencontre ces jours-là. Et ces jours-là, quand on sera devant le trône, vous ne regrettez pas d'avoir cru la parole. Bon dimanche. Bon dimanche. Prenez le temps d'expliquer à Emmanuel et à Kétia en quoi consiste cet exercice-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. la vie.